Auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes très heureux et heureuses de vous retrouver pour cette 10e édition du podcast. Du podcast, et oui. 10 déjà. 10 déjà, le temps passe vite. Tu écoutes le podcast. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Et pour cette 10e édition du podcast, nous avons décidé de vous parler de la culture de la hype. Alors la hype, qu'est-ce que c'est? Évidemment, nous allons le définir pendant cette prochaine heure en compagnie de nos chroniqueurs. Ces prochaines 3 heures même, si on fait aussi long que les précédents podcasts. C'est pas faux. Alors quelques mots, parce que je pense que quelqu'un le définira. Qu'est-ce que la hype? Donc c'est le fait un petit peu de faire monter l'attente chez les consommateurs pour vendre un bien culturel. Donc c'est faire du teasing notamment. On peut penser récemment à toutes les petites bandes annonces qu'on a eues récemment de Toy Story 4 ou encore du Roi Lion remasterisé, qui forcément crée une bonne hype chez les, on va dire, les 20-30 ans, allez. C'est par exemple un bon exemple de hype, deux espèces de trucs, voilà, de Toy Story 4 et du Roi Lion en mode tu vas chialer ta mère parce que c'est encore plus beau qu'en 93. Voilà un petit peu pour quelques petits éléments. De toute façon, nous allons donc parler un petit peu de tout ça sur différents axes. Donc c'est pour cela que j'accueille donc, dans un premier temps, Evie. Salut. Donc Evie qui va nous parler de littérature dans un instant. J'accueille également Nolou. Oui, c'est moi. Qui va nous parler donc de... Alerte spoiler. D'alerte spoiler, ok, très bien. Et Tristan. Salut. Qui parlera... De la lassitude chez les chercheurs de trésors. Tout un programme. Excellent! Avec un petit rapprochement avec les précédents numéros. Exactement. Qu'est-ce qui est de ce Tristan? Et moi donc, Nono, qui vous parlerai en musique du buzz, dans une chronique intitulée très très élégamment « Est-ce que tu buzzes ?» L'élégance. L'élégance. La poésie. Le raffinement. C'est nous. C'est les mots qui nous définissent. C'est fin, ça se mange sans fin. Voilà. Voilà, mais avant ça, je vais donc laisser la parole à Vie pour sa chronique littérature. Littérature, une chronique des vies. Donc, moi, je vais vous parler en tout cas de la rentrée littéraire allant jusqu'à Noël. Parce que lorsque moi j'entends culture de la hype, je pense forcément à la rentrée littéraire. La rentrée littéraire est un événement incontournable dans l'industrie du livre. Elle se déroule après une petite baisse de publication estivale, de fin août à début novembre. Cette année, ce n'est pas moins de 567 livres qui sont sortis sur cette période. Pour en parler en quelques chiffres, on a 381 romans français, dont 94 premiers romans, et 186 romans étrangers. Le chiffre de parution est plutôt stable d'une année sur l'autre. L'année qui se démarque est 2007, avec 727 livres publiés sur cette période. C'est un record. L'enjeu derrière cette rentrée littéraire est simple, faire connaître son livre et profiter de la fin d'année pour faire des ventes. Car à partir d'août jusqu'à décembre, les ventes augmentent pour fortement baisser une fois la nouvelle année. Entre 9% pour août et 25% pour décembre sur cette période qui comptabilise 80% des ventes de livres sur l'année. Pour une petite idée, ce n'est pas moins de 3,4 millions d'exemplaires de la rentrée littéraire vendus en 2017 sur cette période. En 2018, on retrouve en tête des ventes. Les prénoms Épicène, le nouveau Amélie Nothomb, avec 88 608 exemplaires vendus. À son image, de Jérôme Ferrari, lauréat du Goncourt 2012, avec 42 712 exemplaires. Et La vraie vie, de Adeline Dieudonné, avec 42 619 exemplaires vendus. Sachant que ces chiffres datent du 15 octobre, donc la rentrée littéraire n'était même pas encore terminée, et encore moins l'année 2018. À noter tout de même que Amélie Nothomb est une habituée de la rentrée littéraire, car en 2017, on l'a retrouvée également en tête du podium avec Frappe-toi le cœur, vendu à 112 500 exemplaires, en date également du 15 octobre 2017. Il est donc clair qu'il faut faire vendre son roman sur cette période de l'année. Deux points se démarquent, la remise des prix littéraires, celui qui fait le plus vendre étant le prix Goncourt, et la période de Noël. Car oui, Noël est aussi une grosse période dans l'industrie du livre, comme on l'a vu juste avant. Et clairement, cela se vend en librairie et en magasin, même si le nombre des publications mensuelles est le moins élevé de l'année. On voit fleurir tous les coffrets livres possibles, qui passent des livres de coloriage à comment entretenir sa barbe, comment faire sa bière soi-même, et aux diverses recettes de cuisine, les rééditions de contes, les éditions intégrales collector qui font rêver, et ce dont, personnellement, j'entends le plus parler, à l'instar des téléfilms de Noël qui affluent sur les chaînes télé et Netflix, une armée de romances de Noël envahit les rayons et les piles à lire des booktubeurs, booktubeuses que je suis. Car oui, c'est les romances et la magie de Noël qui sont mises en avant, et en même temps, le triste mois de novembre vient de se terminer, soyons heureux! Vous n'allez bientôt plus pouvoir faire un pas sans voir des illuminations, des petits chalets en bois, des couples qui se tiennent chauds par ce froid. Pourquoi ne pas faire de même avec vos lectures? Je m'emporte un peu, il n'y a pas que les romances qui sortent à cette période, mais c'est ce qui est le plus mis en avant. Car oui, la mise en avant d'un genre ou d'un roman joue fortement sur ses chiffres de vente, et cela autant en rentrée littéraire qu'à Noël. On a pu le voir très récemment avec tous les policiers, thrillers ou livres d'angoisse mis en avant pour Halloween. Bref, autant la rentrée littéraire nous donne un peu de tous les styles de livres au retour de vacances, autant à Noël, t'as intérêt à être heureux. Très bien, merci Evie pour cette chronique, avec cette très belle conclusion, ma foi. Ouais. À Noël, sois heureux, pauvre connard, pourrait-on t'ajouter, ou connasse, hein, sois pas sexiste. J'ai aimé l'image du livre que tu tiens contre soi, tu sais, genre avec un vin chaud pour le chalet. Je suis célibataire, mais j'ai mon livre. J'ai mon roman avec moi, ok? C'est un peu ça, si on lui met un petit bonnet de Noël, ça fait encore mieux. Et tu fais des câlins sous un plaid, et avec le feu de cheminée. Oui. Ah bah, Instagram fourmille de ses photos en ce moment. Qui n'a pas le feu de cheminée, le chocolat chaud, le livre et le plaid qui nous parle de livres sur Internet? C'est clair, c'est mais depuis peu, je suis quelques Instagrammeuses booktube en fait. Instagram, du coup. Ouais. Alors, je mets au féminin parce que j'ai l'impression qu'il y a quasi que des femmes qui font ça, enfin je vois très peu d'hommes en tout cas. Oui, il y a une majorité de femmes. Et c'est vrai qu'il n'y a que ça quoi, sur leurs photos c'est « Oh mon chat avec un petit plaid et un chocolat chaud avec mon livre » parce qu'on ne peut pas lire autrement. Tu sais, j'aimerais bien des booktubeuses qui mettent les vraies conditions de lecture, genre dans le métro, dans le train pourri, sous l'aisselle de Monsieur Dupuis et à côté du panier de légumes de Madame Vermont. En fait, je pense qu'il y a pas de photo dans ces conditions parce qu'on n'arrive pas, il n'y a pas la place pour prendre le téléphone. Ouais, c'est ça. C'est genre, excusez-moi, vous pouvez garder le bras levé mais faire une photo, c'est ce qu'on n'y arrive pas. Sinon. Mais je veux voir vos poils. Ah, oh, trans. C'est plus réaliste. Joyeux Noël. Ça se trouve, en plus, la meuf qui a fait ça, elle aime pas le chocolat chaud. Ou elle a donné à son mec. Ah ouais, grave. Mais oui. En vrai, c'est hyper compliqué à prendre ce genre de photos. Genre, pour mon compte Instagram, j'ai essayé de prendre quelques photos. Tu sais, je me la joue écrivain sur mon compte Instagram. Alors, du coup, j'ai essayé de prendre des photos de moi quand j'écris, tu vois. Mais c'est. Alors, j'essaie d'avoir l'air naturel sur les photos, mais en vrai, il n'y a rien de moins naturel que ça. Parce que tu fous un angle impossible à ton téléphone. J'ai pas de perche à selfie en plus. T'as ton café qui est froid à force de poser avec, tu vois. Donc après, c'est dégueulasse. Tu as bien sélectionné une partie précise du texte parce que t'as envie de mettre qu'un certain truc en avant. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, et puis tu le mets en place, tu mets le retardataire, le temps que t'arrives, ça saute, tu recommences, tu te remets, tu te dis attends, c'est bon, tu regardes, merde, il prend la photo. C'est une aventure. C'est de le bordel. Prendre une photo, hein. À la fin, bon, bah je suis fatiguée, je vais dormir. C'est ça. En fait, je n'ai t'as pas passé une demi-heure à faire ta photo, tu lis pas où t'écris. Non, après ça, déjà, faut la retoucher, faut mettre le texte, faut trouver les hashtags, c'est mort, tu passes une heure avec une photo. Et bien voilà, ça fait deux minutes qu'on a commencé, on est déjà hors sujet. J'ai vu une anecdote, moi, sur le feu de cheminée. Pour prouver que ça part en couille, technologie. Récemment, j'étais dans un hôtel, je pense que c'était à Bruxelles quand j'ai vu ça. Et tu sais, de temps en temps, t'as ta petite carte et tout. Et du coup, pour mettre le courant, tu mets ta carte dans une encoche dans la chambre. Oui. Et ça ouvre le courant et tout. Alors moi, ça m'a allumé la télé. Et la télé était branchée surtout de feu de cheminée. Ah, oui, un peu comme sur Netflix quand t'as un truc comme ça. Bah moi, voilà, ça m'a déclenché un feu de cheminée dans ma chambre d'hôtel. Mais sur l'écran plasma. Mais en fait, c'est de plus en plus répandu ça. Tu peux même acheter. Alors, véridique, tu peux acheter des DVD de feu de cheminée. Oui, ma mère, c'est elle en avait plein. Ouais. Elle avait ça, mais dedans, il y avait aussi un médium. Et ça faisait trop flipper. Quoi? Parce que du coup, en pleine face, au lieu d'avoir la cheminée, t'avais aussi une grosse tête de quelqu'un qui était vraiment... et t'avais des couleurs complètement psychiquées, tu vois, genre, ouais, des arcs-en-ciel et tout. Et lui, il te disait, fermez les yeux. Il avait les yeux, mais grand ouverts, tu vois, genre, maintenant, détendez-vous aussi l'anus et tout. On était là, quoi? Il nous encourageait à péter et... On avait mis ça à un repas de famille, on était tous là devant ça le canapé. Dérape. Ok. C'est tellement gênant. Ça dérape, ça dérape. Bon. Il y avait aussi l'aquarium. Ah. Voilà. Si y a un aquarium, ça va. Il y avait trois trucs. Et là, ça faisait des bulles. Bon. Le médium, l'aquarium et le père. Non, est-ce qu'on peut retourner peut-être? Oui, on peut peut-être retourner. Hein. Revenons peut-être à notre rentrée. Revenons. Du coup. Donc du coup. Oui, donc par. Petite... Ah, c'est ça, pardon. Oui, revenons à la rentrée littéraire. Du coup, moi, j'avais une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du nombre de livres publiés en si peu de temps? Parce que personnellement, moi, je trouve ça juste ouf. Parce que là, cette année, du coup, on en est à 567. En 2007, on était à 727. Mm-hmm. Je trouve que c'est quand même énorme. Enfin, je sais pas ce que vous, vous en pensez. Bah, tu l'as dit, clairement, c'est pour Noël, non? Enfin, c'est parce que... Bah, rentrée littéraire, c'est fin août, début novembre, hein, donc... Oui, normalement, c'est le mois de septembre, même, hein. Ouais, mais il sort tout pour que on ait peut-être la, comme on parlait de la hype, tu vois, peut-être que justement pour qu'on soit, pour qu'on l'ait vu en magasin plusieurs fois, pour qu'enfin on l'offre à décembre parce qu'on l'a vu plein de fois justement depuis octobre et qu'on s'est dit bah ça doit être un livre pas mal parce qu'on le voit depuis longtemps sur les étagères, tu vois, peut-être. Moi, je pense que c'est aussi par rapport aux bonnes résolutions de rentrée, tu sais. Ah, en mode, tu dis c'est bon, cette fois-ci je ne déconne pas, je lis un livre toutes les semaines. Tu vois, je pense qu'il y a ça aussi de surfer sur ces bonnes résolutions. Et je pense que aussi des livres de paraître en janvier par là, parce que, bah pareil, les bonnes résolutions de l'année, je vais me remettre à lire Sport de bon. Et à 23h, tu es comme un connard sur Twitter. Et je ne suis pas du tout visé par moi-même. Alors, ayant fait des études en métier du livre et du patrimoine, je peux vous renseigner sur ce point-là. Les sorties de septembre ne sont pas vraiment faites pour vendre à Noël, parce que la durée de vie d'un livre en librairie, elle est de quelques semaines, sauf pour les grosses ventes. Donc, si tu publies ton livre en septembre, à moins que ce soit un auteur connu, à Noël, plus personne n'aura entendu parler de lui. Il sera totalement noyé dans la production. Et pour les publications de septembre, en fait, c'est plus la rentrée des concours. Donc, t'as le concours dont tu parlais, Evie. Ouais. Je crois que bah t'as tous les trucs en fait hein, t'as Elle, tout ça, enfin t'as oui, t'as plusieurs, il y a le prix Fnac, il y a le concours des lycéens maintenant, il y a le prix Elle, ouais, il y a le Renaudot peut-être, bien le Renaudot aussi qui est le deuxième en termes de vente a priori. Okay. Mm-hmm. Il est moins connu par contre en termes de nom, parce que quand on t'entend parler, il y en a beaucoup moins qui le connaissent. Par contre, ouais, en termes de vente, c'est le deuxième. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça, et ça booste toujours en fait les ventes des bouquins. Pas le concours des étudiants? Si, c'est celui des lycéens, le concours des lycéens. Oui, c'est celui-là, c'est le même. Ah, parce que moi, quand j'étais au lycée et que j'étais au club de lecture et qu'il y avait marqué concours des étudiants, moi, je croyais que c'était étudiants, gros étudiants, tu vois. Et moi, c'est des lycéens. Ah ouais, moi, je pensais, tu sais, genre qu'on était en train de lire un truc que wow, les étudiants avaient lu. Oh là là là là. Toute ta vie n'est que mensonge. C'est un truc de grand. Ah ouais, c'est un peu... Ouais, t'es déçu, là. Ouais, un peu. Et du coup, pour répondre à ta question, alors moi, je trouve que c'est monumental et c'est beaucoup trop, et je trouve que c'est vraiment un problème de l'édition aujourd'hui, c'est que il y a une surproduction totale et du coup les œuvres sont noyées sous cette production là. Et alors autant je comprends de vouloir publier plein de livres en septembre pour avoir une chance d'être pris au concours, mais résultat qu'est-ce qui se passe? Bah de toute façon t'auras que un seul sélectionné sur l'ensemble des concours, tu vas avoir 10 heureux élus. C'est quasiment couru d'avance parce qu'on prend rarement un premier auteur. On prend toujours des auteurs qui ont déjà une certaine prestance, ils sont déjà connus dans le milieu, tout ça. Les mauvaises langues disent que c'est déjà prévu d'avance, petite magouille d'éditeur. Bon, je m'avancerai pas trop là-dessus. Et du coup, enfin voilà, t'as masse de bouquins, notamment de premiers romans, à qui on ne laisse même pas leur chance, qui sont juste là pour faire masse en fait, et pour dire regardez, on a publié tout ça en septembre, et pour se faire mousser en tant qu'éditeur, j'ai l'impression. Résultat, ils sont sacrifiés en fait, ces auteurs-là. C'est dommage. Moi je suis un peu d'accord avec toi Tristan, c'est aussi une question que je me posais, je me disais avec des têtes d'affiche comme Amélie Nothomb, clairement moi j'en entends quasiment parler toutes les rentrées littéraires, est-ce qu'un premier roman va vraiment avoir une chance face à ça? Je veux dire, avec la pub qu'il y a par exemple derrière un Amélie Nothomb, tu vois, est-ce que moi Evie je publie un roman à la rentrée littéraire, on va le voir, tu vois, enfin, je me dis, côté culture de la hype, j'ai l'impression qu'on met en avant toujours les mêmes personnes en fait. Mais du coup quel serait le bon moment alors pour un nouvel auteur pour le lancer? Tu peux pas à l'entrée terre, tu peux pas à Noël. Après, cette vacance d'été, il va y avoir une recrudescence de romans de plage. Oui. Ouais, donc, faut quelque part dans le printemps, éventuellement, pour lancer un nouvel auteur. Même pas, parce que t'as d'autres... je sais plus quoi, mais je crois que t'as d'autres concours ou autres. Enfin, même... Il n'y a pas de période de creuse, j'ai l'impression, en fait. Donc, dans tous les cas, les nouveaux auteurs se font un peu... Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a une surproduction générale, j'ai l'impression. Oui, alors j'ai pas noté le nombre de livres publiés à l'année, mais clairement il est hallucinant. Hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 chiffres. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais. Donc pour tirer sur la page du jeu, faut avoir des connexions ou être vraiment génial, ouais. Ou avoir par exemple gagné un concours. Je sais que par exemple il y a le concours Jeunesse Gallimard qui a publié par exemple il y avait quoi les mystères de Larry Spann l'année dernière, et l'année d'avant il y avait Les fiancés de l'hiver, et du coup ça c'est des gros titres du coup qu'on voit beaucoup, donc c'est vrai que presque il faut gagner un concours de faut être reconnu d'éditeur avant. En fait pour vraiment avoir une hype autour de ton titre quand tu commences. Parce que par exemple, c'était deux fois, je crois, des premiers romans, hein, donc, pour les deux autrices. Alors moi, je me demande, que peut-être quelqu'un d'entre vous sera, est-ce que Pierre Lemaitre avait publié des romans avant Au revoir là-haut, qui a du coup eu le succès qu'on lui connaît, donc je crois Goncourt, adaptation cinématographique, etc. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas s'il était connu avant Au revoir là-haut. Je suis quasiment sûr qu'il a plusieurs romans à son actif avant le Goncourt. Je vais pas... quasi sûr parce que j'ai pas l'info sous les yeux, mais il me semble que oui, c'est un auteur qui a écrit ouais, plusieurs romans. J'avoue que j'ai pas la réponse non plus sur moi, mais il me semble ouais, qu'il y avait d'autres romans. Mais de toute façon, un prix Goncourt, je suis pas sûr que ce soit des premiers romans. Ouais, généralement, tu sais, il faut que le Goncourt il soit. C'est un truc sérieux, tu vois, donc il faut pas prendre le risque de mettre de la sous-littérature. Après, quelqu'un on sait pas trop sûr. Ça dépend du roman, il me semble qu'on a un. Mais je vous en parlerai peut-être après, mais il me semble qu'il y en a un, c'était un premier roman, mais je suis pas sûre. Mais c'est après, voilà, c'est le remarque faire dans tous les concours, mais en général, culturellement, je pense qu'on trouve aussi ce phénomène à tout ce qui est Oscar, César, et aussi, ou même Grammy Awards, tout ça, c'est qu'effectivement, on fait rarement confiance à quelqu'un dont ce n'est que la première œuvre. Quoique musicalement, on commence à y arriver, mais c'est plus des catégories de révélation. Alors, il n'y a pas que ce barrage-là, tu disais que, Evie, que sur la rentrée littéraire de septembre, c'était un peu tous les types de romans qui étaient mis en avant. Mais si tu regardes les prix Goncourt, tu verras jamais un seul roman de la littérature de l'imaginaire dedans. La SF et la fantasy et les polars ne sont pas considérés comme suffisamment qualitatifs. De lettres. Voilà, tu vois. Je crois que c'était même noté, un roman littéraire écrit en prose, tu sens que c'est un peu élitiste. Donc, il y a une sorte de hiérarchisation de la culture dans cette notion même de concours. On pourrait remettre en question la notion de concours, d'ailleurs. Après, t'as des concours spécifiques, du coup, pour la littérature de l'imaginaire. T'as le prix Hugo, qui est un prix sur la SF. D'ailleurs, les bouquins qui sont primés sont vraiment cool, généralement. Alors, du coup, sinon, pour revenir du coup aux questions de les rentrées littéraires, est-ce que vous, Tristan et Nolou, et même Evie, du coup, est-ce que vous achetez plus facilement des livres en période, justement, de rentrée littéraire ou de fin d'année, ou est-ce que c'est vraiment un peu dépoté selon les envies? Tristan, d'abord. En fait, moi, je bosse en bibliothèque. Ça se défend. Donc, du coup, j'achète plus de livres. Non mais vraiment, enfin, je veux dire, je travaille dans mon lieu de travail, il y a plus de livres que je ne pourrais jamais en lire dans toute ma vie, donc il n'y a aucune raison pour que j'aille. En fait, les livres que j'achète sont des livres que soit j'ai déjà lus, soit je sais qu'ils vont me plaire, et du coup j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc j'achète le livre objet, finalement, pour un côté un peu collectionniste. D'accord. Donc, évidemment, la rentrée littéraire, comme c'est beaucoup de romans, donc finalement je ne suis pas sûr qu'ils vont me plaire, ou... Il y a pas mal de trucs effectivement qui m'attirent. J'ai dit, ah tiens, ça a l'air pas mal, il faudrait que je le lise. Mais je me note le titre et je sais que j'irai l'emprunter dans une bibliothèque, par exemple. D'accord. Nolou ? Moi, en roman, j'en lis beaucoup moins. Je lis essentiellement des romans graphiques. Et moi, en roman graphique, justement, j'ai juste une fois été au festival qui se trouve. Angoulême. Merci. Et là, effectivement, j'étais complètement influencée parce que tous les livres que j'ai vus à Angoulême, je les ai retrouvés après dans les rayons, genre un an plus tard. Et du coup, ça m'a fait tilt parce que je me suis rappelée de certains auteurs, certaines couvertures que j'avais déjà lues, déjà vues. Et du coup, ça m'a donné envie de les acheter, mais c'était un an plus tard, effectivement. Et sur le moment, t'as pas forcément tout l'argent qu'il te faut pour tout acheter, donc tu te limites, quoi. Mais mis à part ça, je suis très très peu influencée du coup, comme j'en achète peu, et moi c'est vraiment essentiellement du bouche à oreille, donc c'est pas vraiment... Et j'achète pas de livres pour d'autres gens, ou très très rarement, sauf si je suis sûre de moi, parce que je trouve que c'est assez compliqué de conseiller ça à quelqu'un, je trouve que c'est assez personnel comme choix. Oui, je suis d'accord avec toi, personnellement, c'est vrai que j'achète quasiment pas le livre aux gens, sauf si je suis vraiment sûre. Je crois que je devais l'acheter une fois au roman graphique parce que j'étais persuadée que ça plairait à la personne. Donc ça allait encore. Moi, pour ma part, j'achète peu. Mais en fait, je suis une sale pirate, je dois l'avouer. Je sais. La culture meurt à cause de toi. Ouais, mais je paye Netflix, Spotify. Hein. Mais tu pirates des yeux. La culture meurt à cause de toi. Salaud. Et non, mais du coup, voilà. Mais dans les moments où je lis surtout pendant les vacances, personnellement. Parce que c'est là où j'ai le temps. Je me dis, ok, là, je me charge ma quinole de bouquins. Et j'enchaîne comme une tarée les livres pendant que je suis en vacances, en fait. Et tout le reste du temps, je pense jamais. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. J'ai l'appel de mon téléphone. Voilà. Mais moi, c'est vraiment quand j'ai le temps, facilement, que je vais lire. Ce serait plus les vacances d'été pour moi. Et pour toi, Evie ? Bah, moi, j'avoue que du coup, en tant que booktubeuse, et du coup, oui, forcément, en tant qu'observatrice de contenu, j'achète toute l'année. J'avoue que la rentrée littéraire, c'est pas un événement spécifique pour moi, parce que moi, je suis vraiment une acheteuse, on va dire, répartie un peu sur toute l'année. Par exemple, moi, je peux très bien acheter un livre en janvier, alors que c'est la période de l'année qui fait le moins de ventes en littérature. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas de moment précis. Ça va plutôt être au titre. Quand il y a un titre qui me plaît, je vais aller l'acheter ou je vais être un peu violente et je vais me dire non, tu vas attendre un peu, tu vas attendre un peu, je vais passer de moi de libérer, je vais le prendre. Mais ouais, je suis plutôt au titre et pas forcément à la saison, en tout cas. Mais titre et image ou juste titre, enfin, est-ce qu'il faut quand même qu'il soit sur le présentoir pour que tu le remarques ou... Bah, pas forcément. Bah, après, vu que je suis énormément demandeuse de contenu, je regarde beaucoup de chaînes aussi qui parlent de livres, donc j'entends parler de beaucoup de livres. Certains qu'ils ont reçus eux en service presse, ou qu'ils ont acheté, ou des choses comme ça, donc ils sont pas forcément sur les présentoirs. Et j'avoue que je regarde peu, en fait, les présentoirs, et je tourne plus dans les rayons. Je regarde les titres, je regarde les tranches. Après, c'est vrai que je suis un petit peu superficielle et je vais être attirée par le visuel aussi. Je vais regarder la tranche, si elle me plaît, je vais tirer le bouquin, je vais lire le titre, et après seulement je vais regarder plus loin. Mais c'est vrai que ouais, je fais pas forcément attention aux présentoirs. Je vais plutôt directement dans les étagères. D'ailleurs, on parle de la hype et on parle de la couverture. Vous trouvez pas que la couverture des livres est souvent quand même complètement kitsch ? Ah, ça dépend lesquels. Ah, moi, je trouve que la plupart du temps, quand même, c'est un peu... Non, c'est très important, la couverture sur un roman, parce que c'est un des premiers choix, enfin, un des premiers critères d'achat. Mmh. Déjà pour le prendre en main. Déjà pour le prendre en main. En fait, si t'es moche, tu le prends pas en main. C'est ça. Moi, je sais que j'ai déjà vu des couvertures où clairement, genre, je connaissais le titre. Donc je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu avec une autre couverture, et vraiment, genre, si j'avais pas connu le titre, j'aurais jamais pris en main le livre. Ouais, et alors du coup, t'as deux... Pardon. Donc il y a deux façons de faire. T'as ceux qui disent, bon, on va se jouer très sobre, généralement c'est eux qui tapent dans ce qu'on appelle les littératures blanches, donc en gros, c'est sobre, titre. Donc c'est de la vraie littérature. Et il y a ceux qui tapent... des couleurs flashy qui pètent, donc c'est de la littérature plutôt détente, ou de la littérature de l'imaginaire. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs, enfin je connais quelques auteurs de SF Fantasy qui se plaignent beaucoup des couvertures françaises, comme quoi apparemment elles sont dégueulasses, et comme tu dis, elles sont très kitsch, et que c'est pas du tout vendeur, alors que apparemment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'est beaucoup plus vendeur, paraît-il. Bah, je pense que ça dépend en fait des éditeurs et des éditions. Moi, je sais que par exemple, j'ai lu une saga qui s'appelle Prince Captif, où clairement, genre, elles sont dégueulasses, les couvertures dans leur langue d'origine, donc c'est américain, je crois, ou c'est anglais, un des deux. Et en France, en fait, bon, il est d'abord sorti en e-book, où les couvertures étaient magnifiques. Ils les ont ressorties en papier, et là, elles étaient dégueulasses. Et du coup, ils ont sorti en intégrale avec la couverture de l'e-book, et là, tout le monde a dit « Merci, mon Dieu !» Vraiment, mais même l'autrice a dit que les couvertures françaises, même celles que moi je trouve moches, sont beaucoup plus belles que l'original. Donc je pense que ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a cette culture un peu graphique, je trouve, en tout cas Angleterre et États-Unis sur les livres. C'est avec le principe du hardback. En France, on n'a quasiment aucun hardback. Les couvertures dures, cartonnées. Nous, on a ce qu'eux appellent les paperbacks, donc tout est souple. Rien qu'eux, ils font une distinction là-dessus, et il y a vraiment un travail de couverture presque un peu vraiment plus artistique que juste une image, j'ai l'impression. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en dehors de la France, ils sont quand même plus doués là-dessus. Parce que je me souviens que Twilight, par exemple, j'ai acheté juste parce que justement le titre était intéressant et captivant, parce que c'était juste des mots, c'était tentation, des trucs comme ça. Et c'était noir et t'avais juste genre un fil rouge, ou dans un autre t'avais un jeu d'échecs, enfin, tu sais, c'était hyper intriguant. Et franchement, ça m'a hypé. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre, tu vois? Ou c'est comme Harry Potter, où je m'amusais, mais pendant des minutes, à caresser la couverture parce qu'il y avait un relief. Oui, il y avait un relief. J'étais bien. Oh là là, c'est fou! sur les nouvelles éditions grand format Gallimard, ils l'ont fait, mais pas sur les petites, j'étais déçue. Alors pourtant, les illustrations Harry Potter étaient hyper décriées. Tout le monde disait qu'elles étaient. Alors moi, j'ai une affection un peu, je pense, totalement subjective sur les vieilles illustrations parce que je trouve qu'elles ont un caractère un peu désuet, assez. C'est nostalgique, ouais. Je trouve un peu intriguant, un peu inquiétant. Inquiétant. Les couleurs sont plutôt sombres. Bon, mais tout le monde me dit qu'elles sont dégueulasses et que autrement, elles sont beaucoup plus belles, quoi. En tout cas, les Françaises en Folio Junior, je crois que c'était à l'époque. Gallimard, je pense. Alors, justement, pour revenir du coup à la rentrée littéraire, il me semble que pour l'entrée littéraire, les couvertures sont différentes. Parce que tu vas voir le petit bandeau concours, le petit bandeau bidule. Oh, souvent, il est en papier. Oui, ouais, c'est une espèce de truc un peu différent, en fait, pour mettre en avant les livres, où finalement, tu as finalement aussi jugé que sur l'auteur. Et du coup, bah, c'est pour ça aussi, peut-être que tu mets plus en avant Nothomb, ou Musso, Lévy, je sais pas. En tout cas, des grands auteurs. Ça rappelle aussi une anecdote d'un auteur qui s'appelle William Régeau, qui écrit beaucoup sur son ancien métier d'infirmier. Et un de ses bouquins a été dans un traité il y a quelques années. Et en fait, il tenait absolument à voir un dessin original de Peyo sur la couverture. Il a réussi à le convaincre. Et son éditeur lui dit « Non, mais va te faire foutre. Ton livre, c'est la rentrée littéraire, donc on va mettre le truc tout moche avec le petit bandeau, hein, puis c'est tout. » Le mec s'était déverdé, il avait réussi à avoir un genre d'original et tout, personne n'y croyait. Et voilà ce que l'éditeur a dit, non, la rentrée littéraire, c'est comme ça. Mais l'éditeur est décisionnaire sur la couverture dans quasiment tous les contrats. Ah ouais, Bah c'est lui qui a la thune, hein. Au-delà de ça, c'est le travail de l'éditeur, c'est de vendre le livre. Donc la couverture, en fait, le travail de l'auteur, c'est juste le contenu. L'éditeur, il fait la forme. Donc effectivement, l'auteur n'a pas vraiment son mot à dire sur la gueule du livre. Mais c'est vrai que moi, je suis quelques auteurs sur les réseaux, principalement Facebook, et il y en a certains qui découvrent la couverture en même temps que les lecteurs. Genre parce qu'ils arrivent sur les plateformes, genre Amazon, tout ça. Et du coup, ils disent « Ah, bah tenez, il y a ça, machin et tout. » Ou des fois, ils sont juste consultés pour deux couleurs. Je sais que là, il y avait une autrice que j'ai suivie, et c'était soit elle était un peu dans les tons chauds, jaune, orangé, soit elle était un peu dans les tons bleu-violet, la couverture. C'est vraiment le seul choix qu'elle avait. Oui, voilà, puis C'est assez restreint. C'est chaud quand même, hein. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est une... Alors, je sais pas comment on se dit quand il y en a cinq, des livres. Pantalogie. Il y en a cinq et il y en a un, par exemple, qu'elle a découvert en même temps que ses lecteurs parce que les préventes ont été mises sur Amazon. Elle a découvert la couverture à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut dire quand même, t'as passé potentiellement 1, 2, 3 ans de ta vie à travailler dessus. T'imagines, tu seras payé une misère. Et tu peux, tu peux même pas. Ça fait mal, quoi. Ça me déprime, ouais. Oui, tout ça, voilà, c'est ce qui relève tout du marketing. Tout est marketé finalement pour toucher la bonne cible. Enfin, moi, ça me rappelle aussi au cinéma, les jaquettes. J'en rappelle souvent, j'avais bien allé chez Gilbert Joseph. Tu sais, tous les trucs d'occasion et tout. J'allais souvent voir les DVD. Et c'était assez drôle, en fait. parce que tu avais vraiment un rayon noir, comme ça, où c'était tous les drames, thrillers, policiers, tout ça. Puis tu tournais un peu, et c'était jaune et rose. Et c'était les comédies. Et c'était un truc de fou, mais tu voyais vraiment la différence, quoi. C'était impressionnant, les couleurs utilisées. Je pense que c'est pareil en littérature, t'as vraiment ce marketing-là, des pochettes, pour que ça plaise à certains publics. Hein. D'ailleurs, je me dis, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas plutôt plus intéressant de demander à des dessinateurs, tu vois, de faire des couvertures, parce qu'il y a franchement des dessinateurs très doués, et qui poussent un peu plus à l'imagination. Et là, je me dis, en fait, dans les livres de science-fiction, ça se fait beaucoup plus que dans les romans. Dans les romans, on va plutôt utiliser la photo réaliste plutôt que, justement, dans la science-fiction, on va utiliser du dessin. Et c'est marrant, cette différence, en fait. Je viens de tilter. Moi, c'est vrai. Je pense que ça dépend surtout du choix de l'éditeur. Il sait que... C'est des codes, en fait. Et puis, tu sais qu'il ne va pas pouvoir trouver une photo d'un vaisseau spatial, par exemple. Donc, forcément, il va être obligé de passer par du dessin. Et c'est pas forcément un vaisseau spatial. Ça peut être des gens... tu vois, par exemple, des cosplays ou... On en revient à l'idée que la couverture... Rien qu'à regarder la couverture, tu dois avoir une idée, sans lire le résumé, de ce qu'il y a dedans. Donc si tu as une couverture très sobre avec une photo en noir et blanc, tu sais que tu vas avoir de la littérature française, par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est souvent le cas. Alors, on va bientôt clôturer. J'ai une dernière question qui a été évoquée par Evie dans sa chronique. c'est la littérature de Noël. Et d'ailleurs, tout l'esprit de la mère générale, hein, on le voit, on est à la télé, nous avons les téléfilms de Noël, une maman pour Noël, un cadeau pour Noël, un miracle pour Noël, tous ces trucs-là, qui nous poussent à être heureux parce que Noël, c'est une période magique, alors que c'est là où Durkheim, le sociologue, a prouvé qu'il y a le plus de taux de suicide, donc ce n'est pas si magique que ça. D'où le Père Noël est une ordure, d'ailleurs. Par exemple, c'est vrai qu'il y a effectivement son SOS suicide ou sa amitié, je ne sais plus. En voilà, t'es tellement poussé à être heureux en cette période de l'année qu'il suffit que tu tombes seul et c'est la méga déprime en fait. Ouais, c'est ça, du coup, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça, de cette injonction à être heureux Noël, parce que Noël c'est les paillettes et le cœur dans... et la joie dans les cœurs. Toujours à travers la littérature ou Oui. Alors, à travers la littérature, il me semble, mais je dis peut-être une grosse bêtise, que la période de Noël est aussi une période de bonne vente pour les polars. Ah oui ? Je crois. Je sais pas, mais moi je sais que pendant Noël, je dis pas non à un petit polar, tu sais, polar des pays du Nord là, ouais, Millennium, ouais, ce genre là, tu vois, cette collection noir-rouge là, ouais, vous voyez, ça s'offre bien aussi, c'est ça. La belle mort, je crois, ouais, ouais, c'est la belle mort, je crois, ouais, ah c'est ça. Oui, et ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça passe mieux à Noël qu'en été. Mais alors, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup sur les réseaux. Par exemple, là, en tout cas, à partir du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, il y a un challenge littéraire qui se déroule sur YouTube et sur Facebook. Ça s'appelle le Cold Winter Challenge. Et il y a toute une catégorie, autre que la magie de Noël, tout ça, qui s'appelle Stalactites ensanglantées. Et le but, c'est de lire des polars. Donc, il n'y a pas que toi, en fait. C'est vraiment une période où tu lis que des romances mignonnes et des gens qui s'assassinent. Je pense qu'il faut contrebalancer en fait le truc. Alors, je pense qu'il y a un truc marketing. J'ai sans doute dû me faire parasiter le cerveau par de la publicité pour avoir cette envie-là, hein, à tous les coups. Oui, c'est possible que ce soit juste un rythme dans l'année et justement pour dénoter de toute cette magie de Noël un peu écœurante, peut-être que justement on sort des polars un peu plus criminels et tout. Et je me dis, vu qu'il fait plus nuit aussi, peut-être que ça nous donne plus envie. Ah, voilà, ouais. Les arbres sont dénudés. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'ambiance quand même qui peut faire un peu flipper. Alors, je pense qu'on peut conclure là-dessus. À Noël, soyez heureux ou faites-vous buter. Ce sont les deux destins que les personnages des romans de Noël ont. Eh bien, merci Evie pour cette chronique, ma foi, fort intéressante, comme toujours. Merci. Et nous allons donc passer à la mienne. Mes amis, pour aujourd'hui, je vous propose une petite mise en situation avant d'entrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion proche de celle de la hype, qui est le buzz. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'appeler ma chronique « Est-ce que tu buzzes ?» Alors, voilà l'histoire. Vous êtes un ou une tout jeune artiste. À vrai dire, vous ne vous considérez peut-être même pas encore comme artiste. Vous bidouillez des trucs dans votre chambre. Puis un jour, vous avez une bidouille qui vous convient bien. En tout cas, assez pour la mettre sur YouTube et ou SoundCloud. Et là, sans que vous compreniez trop, les stats montent. Vous vous retrouvez des commentaires, comme « Trop lourd ce son », comme « To Brazil », parce qu'il y a toujours des gens qui demandent que tu viennes au Brésil, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours des commentaires comme ça. Ou, si vous êtes une artiste, quelques commentaires malvenus sur votre physique. Bref, vous avez percé comme on dit chez les jeunes. Du moins, je crois. Vous recevez de plus en plus de messages. On parle de phénomènes. Quelques maisons de disques commencent à vous courtiser et les vieilles charrues vous veulent. Qu'est-ce qu'on fait après ça ? Plusieurs solutions. Soit vous donnez ce qu'on attend de vous, vous montez rapidement assez de sons pour construire un set faisable en concert et passer en studio d'enregistrement pour sortir au moins un premier EP. Donc un EP, c'est un mini-album de 4 à 6 titres. Et en soi, pourquoi pas ? C'est ce qu'a fait Edith Depreto en 2017 avec l'EP Kid, contenant notamment les tubes Faites de trop et donc Kid. D'ailleurs, Edith Depreto mérite qu'on se penche un peu dessus. En 2 ans, on a un EP, un album, Cure, et une réédition de l'album qui s'appelle Culte. Donc les deux sortent en 2018. Hein. On est là face à un succès qui est foudroyant, et selon moi mérité, même s'il n'est pas arrivé par hasard. Edith Depreto avait précédemment participé à des tremplins importants, comme l'Inroclable, le Printemps de Bourges et le Bar en Transe, qui est une sorte de partie off des transmusicales de Rennes. On peut quand même se demander si cela n'a pas été trop précipité, voire totalement marketé. Donc, vous pouvez sortir rapidement un premier album et maintenir sans cesse l'excitation pour pas que ce buzz retombe. Je parle de petits teasers en stories Instagram, je parle de singles au compte-gouttes, comme le rappeur Mo à la Squale. Bref, tout pour qu'on ne vous oublie pas. Et à côté de ça, bosser le scénic pour ne pas se planter. Et ouais, tu vas pas beaucoup dormir, hein. T'étais mieux dans ta chambre, peut-être. Ou alors, vous prenez le temps, tout en maintenant toujours l'excitation par quelques dates de concerts choisies, des clips travaillés. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous enfermer, ou le buzz retombera aussi vite qu'il est venu. L'ère des médias ne permet pas de pause. Un seul arrêt, et vous retombez dans l'oubli dont vous veniez à la base. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout de suite se précipiter dans la sortie d'un album. Aloïs Sauvage, avant cela circassienne contemporaine, circassienne ce qui fait du cirque, et comédienne, que vous avez peut-être vue dans le rôle d'Eva, dans 120 battements par minute, ou dans la série Arte Trépalium. Et donc maintenant elle se met à la musique, et elle a par exemple balancé son tout premier morceau, Higher, Higher, en septembre 2017. Plus d'un an, et 120 000 vues plus tard, pas encore d'album à l'horizon, mais deux autres singles et clips travaillés, qui s'appellent Aphone et Hiver Brûlant. Cela ne veut pas dire qu'elle a donc disparu de la circulation, malgré le fait que nous n'avions pas encore d'album. Elle entretient le buzz, en distillant ses clips, et en choisissant intelligemment ses projets. Donc elle a fait notamment récemment les premières parties d'IBI et d'Eddie de Préto justement, et elle a actuellement un projet de création scénique avec les Trans Musicales de Rennes dans le cadre des Trans à l'air libre, où elle va vraiment monter un vrai spectacle pour eux. Et une autre solution est celle évoquée de ne pas du tout penser en termes d'album, mais en termes simplement de singles, que l'on va petit à petit lancer. Cela se fait de plus en plus dans le milieu du rap notamment, et cela permet d'avoir une actualité qui est constante. Évidemment, arrivera un temps où vous arriverez peut-être au bout de cette inspiration créatrice, et donc aura besoin de se ressourcer, et donc de peut-être retomber dans l'oubli. Dans tous les cas, nous avons toujours ce risque-là, qu'à un moment donné, le buzz retombe et que ce soit fini pour votre gueule. Il arrive aussi que des artistes ne parviennent à cartonner qu'avec un seul morceau et qu'on n'entende plus jamais parler d'eux, ne parvenant pas à surfer sur l'engouement créé. C'est ce qu'on appelle les one-hit wonders. Alors, on a eu pas mal, hein. Moi, je pensais, on m'a cité récemment les Last Ketchup quand je faisais cette chronique. Ouais, et oui. C'est vrai qu'on les a pas entendues depuis assez yéyé. Elles ont fait un album en 2006. Et voilà. Elles ont fait un album en 2006. J'ai entendu que cette chanson. Ouais, je... Oui, mais personne ne connaît, hein, Last Ketchup, personne n'est familier sur le reste, hein. On peut aussi citer quelques-uns de ces dernières années. Par exemple, Somebody That I Used to Know de Gautier. Ah oui. Dont je sais absolument pas ce qu'il fait actuellement. Prior NC de Lilywood as a Prick. Ou encore Pop the Kings de Foster the People, parmi les trucs les plus connus ces dernières années en tout cas. Ou alors c'est des choses aussi où tu sais, tu l'entends, tu te dis, oh, je le connais, et tu sais même plus qui c'est. Donc non seulement il faut un seul tube, en plus on a quand même oublié qu'il avait fait ce tube, hein, donc c'est quand même ridicule. Alors parmi les morceaux que j'ai cités, deux d'entre eux sont ce qu'on appelle communément les tubes de l'été. Donc cela rejoint totalement cette idée d'un buzz soudain, délimité dans le temps, et aussi vite parti qu'il est venu. On s'amuse bien avec pendant 2 ou 3 mois, puis on l'oublie, un peu comme un amour de vacances. C'est calibré pour perdre le temps de l'été. On est encore pour quelques recettes miracles pour que les gens dansent dessus et c'est marre. Je n'ai par exemple pas la moindre idée de ce que font Luis Fonsi de Despacito actuellement, ou ce qu'a fait Robin Thicke après Blurred Lines. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas plus mal. Alors voilà, vous êtes donc face à plusieurs pistes, et c'est à vous de décider que faire. Allez-vous surfer sur le buzz pour ne jamais vous faire oublier, ou prendre votre temps pour sortir quelque chose de qualité, au risque de vous faire voler la vedette par le prochain buzz. Qu'en pensez-vous ? Merci Nono pour cette chronique qui, personnellement, me laisse un peu glacée sur la fin. Je sais pas, cette idée de devoir faire le buzz absolument me... Oh. Mais peut-être, Nolou ou Evie, vous avez envie de répondre à la question posée par Nono. Moi, j'avoue que je pense que... Alors, je suis pas du tout mélomane, donc je ne ferai pas de musique, mais je pense que si un jour je faisais le buzz sur n'importe quel truc, je pense que je prendrais mon temps. Parce que je me dis, si c'est pour produire et produire quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas vite te lasser en fait, et même ton inspiration va être derrière, elle va se dire non, moi je participe pas à ça les gars. Du coup, ouais, moi je serais plutôt du genre à prendre son temps, faire quelque chose de bien, à rigueur, dès que je suis satisfaite, le publier, histoire d'entretenir le truc, mais pas de me presser et de sortir un truc tous les 3 jours juste pour faire de la hype, quoi. Nono, t'as parlé de single, je me dis mais en fait ça existe toujours, parce que moi je me souviens des singles qu'on achetait à la maison de la presse où oui, t'avais deux chansons dessus, et effectivement ça permettait vraiment de cultiver la hype pendant longtemps, et parfois ça nous suffisait en fait, juste ce CD de 2 titres c'était suffisant à notre bonheur, et puis ça coûtait pas cher, Et après, si on aimait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, qu'on l'écoutait tout le temps, tout le temps, tout le temps, on achetait l'album, tu vois. Mais c'était vraiment assez exceptionnel. Et je me dis, mais ça s'est un peu perdu, du coup. Enfin, tu parlais de single, mais du coup, je me demande sous quelle forme c'est aujourd'hui, en fait. Oui, finalement, aujourd'hui, on parle plus forcément de single, dans le sens, le single de l'album. Des singles, moi, je dis dans le sens pur, qui est juste un morceau. D'accord. C'est pas forcément un single, c'est juste un morceau que tu vas balancer à intervalles réguliers. Et peut-être qu'au bout, ça fera un album. D'accord. Mais en ce moment, voilà, on perd aussi cette logique-là. Ou alors, on a à l'inverse le fait de faire beaucoup d'albums. Parce que cet album-là te permettra de partir en tournée. Pour pouvoir l'album, parce que maintenant, tu gagnes de l'argent avec les tournées et plus avec l'album. Mais pour tourner, il faut de l'actu. Et pour de l'actu, il faut un truc. Ouais, c'est comme Orelsan, il a fait 2 albums en 1 an, là, on a vu. Enfin, à peu près. Il y a la version Deluxe de. Ouais. Oui, de. C'est fou. Bidule. Ah. Oui, je trouvais ça impressionnant, vraiment. Je me suis dit, mais on en est là. Enfin, je veux dire, au niveau des artistes, quoi, il faut qu'ils sortent deux albums, en fait, la même année. Bah là, c'est pas vraiment un album. Je crois que c'est vraiment une version un peu étendue. C'est totalement notre album. Ouais. C'est la suite, en fait. C'est comme s'il avait sorti le tome 2 dans l'année, quoi. Ouais, c'est comme si c'était une double édition et qu'il avait sorti le premier CD d'abord et le deuxième CD après. Mais ouais, je crois qu'il y a aussi 12 titres et tout. Et du coup, la fête de tout. Pour Nolou, pour répondre à la question de nous, donc si tu étais un artiste, quelle serait ta stratégie pour faire perdurer le buzz? Parce que j'aurais envie de faire perdurer le buzz aussi. Moi, je pense que je serais complètement décontenancée. Je pense que j'aurais très peur de te décevoir, ça c'est sûr. Et je pense que la peur de décevoir me ferait faire des conneries. La panique. Putain, ça va plaire, ça me plaît pas, mais c'est pas grave. Et tu fais, et en fait, tu te perds. Et ouais. En fait, je pense que c'est ça, en fait, surtout pour les artistes, c'est d'essayer de pas se perdre. Donc, rester soi-même, tout en n'étant pas mégalo. Parce qu'il y a aussi ça. Genre, ok, tu veux rester toi-même avec ton style, parce que tu sais que ton style plaît. Tu vois que ton style plaît, tu veux le perdurer à fond, et je pense que du coup tu peux te perdre un petit peu dans cette image-là. Au final, au fil des années, cette image ne te ressemble plus, mais elle plaît tellement à ton public que t'oses plus changer. Si tu changes, tu sais que tu vas te faire renier, enfin, du moins t'as le risque qu'ils te suivent pas, donc c'est hyper chiant. Et si tu prends le risque qu'ils te suivent pas, tu prends le risque aussi que au niveau de l'estime que t'as de toi, ben, ça baisse complètement. Genre. Mais ils m'aiment pas comme je suis moi, en fait, comme je suis maintenant, actuellement. Enfin, c'est hyper dur, je trouve, au niveau psychologique. Je pense que psychologiquement, j'aurais vraiment du mal, justement, j'aurais très peur de décevoir. Bon, après, j'ai eu cette éducation-là aussi où il fallait pas que je déçoive mes parents, donc je pense qu'il y aurait eu. Je pense que j'aurais été victime de ça, clairement. Et je me serais perdue toute seule dans les méandres du public. Même si ça m'aurait plu les premières minutes, je pense que tout le monde a cette euphorie-là quand ça t'arrive. Ça m'est pas arrivé, mais j'imagine, tu vois, que t'es là, genre, wouh, mais c'est ouf ce qui m'arrive, tu vois. Je pense que ça doit arriver 2-3 mois, tu vois. Puis au bout d'un moment, je pense que t'as cette descente. Et puis tu t'y connais rien. Et puis je pense qu'on veut, enfin, d'après ce que j'ai lu, en tout cas, et vu, on essaye de te faire signer des contrats que tu connais pas du tout. T'es là, mais ok, je vous fais confiance, les gars, vous avez l'air de vous y connaître. Et puis en fait, genre un an plus tard, les artistes te disent, putain, mais pourquoi j'ai signé cette merde, en fait, je me suis fait avoir, quoi. Ok, il y a plein de trucs à répondre. Je vais essayer. On a posé la question à Nolou et on pouvait plus l'arrêter, là. On la voyait, elle partait. Je vais essayer d'être méthodique dans ma réponse. Sauf que j'ai oublié une partie de ce à quoi je voulais réagir, du coup, je me sens un peu con. T'as parlé de quoi, du coup, t'as parlé d'Atatata, que tu sais, faut ne pas forcément connaître. On a eu beaucoup de choses en soi. Du stress direct qu'il peut y avoir quand tu fais. Ça, c'est bon, j'ai une réponse là-dessus, j'ai eu autre chose après, je l'ai oublié. Bah, commence par ce que t'as déjà. Je vais commencer par ça, que je vais pouvoir dérouler ma pensée. Ah, ça m'énerve de plus retrouver. Bon, c'est pas grave, ok, je vais commencer par ça, tant pis. Du coup... Oui, ce que je voulais expliquer, c'est effectivement, il y a toujours cette pression, notamment après un premier album. Donc voilà, ton premier album a marché, tu es bien content. Et maintenant, il va falloir faire le deuxième. Et c'est là où souvent les choses vont se complexifier. Parce qu'on t'attend au tournant de ouf. Voilà, on parle de confirmation pour le deuxième album, ou de renouveau, ou voilà. Tout le monde est angoissé. Il y a plusieurs exemples à ce sujet-là, hein. Moi, je pense notamment, vous êtes traité de grosse monomania, qui vous n'aurez pas tort. mais je pense à Julian Baker. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous jure qu'il y a un lieu. Ah, elle est placée, ça y est. Moi, je dis, on devrait vérifier si dans tous les épisodes, il y a Julian Baker. Et le pire, c'est que je vais en reparler après. Ouais, bref, maintenant vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment ça aussi pour moi. C'était qu'à la base, elle jouait dans des groupes un peu punk alternatif dans son petit coin du Tennessee qui fonctionnait pas trop mal, hein. Qu'un jour, elle enregistre un album avec des copains à elle dans un petit studio, machin, qui s'est dit « Oh, je vais ça sur Bandcamp, ça a l'air cool. » Et que d'un seul coup, ça a marché de ouf. Que ça a été écouté, qu'est-ce qu'il y a en maison de disque, qu'il y a eu tout ça. Et en même temps, t'as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire après, en fait? Surtout quand tu es jeune, que tes chansons, c'est des trucs hyper personnels, est-ce qu'il te reste des choses à raconter une fois que tu as mis toutes tes tripes dans un premier album, hein? Donc déjà, cette problématique-là qui se pose dans le sens où est-ce que j'ai encore quelque chose à raconter? Et c'est pour ça qu'il y a des roues, je me dis, est-ce que vraiment, et pour en tenir à faire 10 albums, par exemple? Je suis pas sûre. Hein. Et donc, c'était la première réflexion que j'avais. Sur le même sujet, j'ai également l'exemple de La Roue, qui avait cartonné il y a 10 ans, allez, avec Bulletproof, ou avec I'm Not Your Toy, et beaucoup de singles très pop comme ça. Non. Mais c'est pas raté que vous avez oublié aussi. Alors moi, là, tu viens de détruire mon cerveau. Je me dis, c'était il y a déjà 10 ans, tu vois. Je pensais il y a 10 ans, sans déconner. Je suis anéanti. Je suis désolé. Tu peux continuer. Je suis vraiment désolé, Tristan. Et j'ai continué. Et en face, ce succès foudroyant, parce qu'elle aussi était assez jeune. Hein, elle avait peut-être 22 ans à l'époque. Et en fait, ça fait qu'elle n'a pas fait de deuxième album 6 ans plus tard. Parce qu'en fait, elle faisait des crises d'anxiété, parce que c'était plus possible. Trop de trucs accumulés, elle ne pouvait même plus chanter, en fait. Elle n'avait plus de voix tellement elle angoissait. Et voilà, c'était quelque chose de très violent pour elle, finalement, cette montée d'un seul coup en célébrité. Et comme tu disais, Nolou, cette peur de décevoir aussi, et de se dire, est-ce que je ferais mieux ou aussi bien que ce que j'ai fait, ce pourquoi on m'aime. Et effectivement, et ça aussi, il y a beaucoup ce côté de l'affect, de il faut que les gens m'aiment, après, il faut qu'ils continuent à m'aimer. Et finalement, ça devient un petit peu angoissant. Et j'ai oublié le reste de ce que je voulais dire. Oui, il y avait aussi sur les contrats, effectivement. Ouais. Effectivement, quand tu es jeune, tu sais pas forcément lire les petites lignes du contrat. Tu ne sais pas vraiment ce qu'est la SACEM, tu sais pas ce que sont tes droits. Ouais. Donc, tu as très très vite fait de te faire enfler. Je pense qu'ils jouent là-dessus aussi. Hein. Voilà, clairement. Première star. Clairement, la maison disque qui arrive vraiment en mode je sais ce que je sais, ce que je fais. Et justement, j'ai lu tout à l'heure un truc du groupe canadien Courage My Love, qui elle a 17 ans, déjà, enfin maintenant ils en ont 25, mais à l'époque, on était courtisé par la Warner. Et en fait, elles ont monté leur propre petit label à elles, hein, et pour pouvoir garder justement les droits de leurs morceaux. Et être en distribution chez la Warner. Hein. Distribution, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le côté marketing, le placement dans les magasins, etc. Mais elles se sont dit, on va pas se faire niquer, on va faire notre petit label à nous, mais comme ça, les droits seront à nous, de nos morceaux. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut penser. Faut le savoir. C'est penser à vos... Voilà, ouais, c'est ça. Penser aux droits, regarder les classes sur SACEM pour être sûr que vous êtes bien crédité, regarder vos parts de la partition. Voilà, si c'est un artiste débutant qui nous écoute, contactez-moi. Contactez Nolo, notre spécialiste en droit musical. Contactez-moi, je connais bien la SACEM, je pourrais vous guider. Voilà, je lirai vos trucs avec plaisir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Peut-être que j'aurai le reste qui me viendra plus tard. Alors, moi, je voulais rebondir sur la question du second album. Tout simplement, il y a plein d'artistes, en fait, qui sont leur second album et ils n'ont rien d'autre à raconter que leur difficulté à faire un second album. Genre, Aurel San a fait pas mal de titres, il me semble, sur son second album sur la page blanche, la peur de décevoir les fans. Big Flo et Oli, c'est l'entrée de leur deuxième album. Il y a plein de groupes, alors on le retrouve pas mal dans le rap parce que c'est un style de musique où tu te confies pas mal sur toi-même, mais je pense qu'on le retrouve un peu partout. Il y a aussi Flavien Berger, qui est un chanteur français, qui a un morceau qui s'appelle Deadlines et qui dit « J'ai toujours été nul en Deadlines », et je trouve ça assez génial. En mode, je vous pondre un morceau, mais bon, je suis pourri pour les Deadlines, donc vous verrez bien. Voilà, et alors, ça devient presque le cliché, tu sais, moi, chaque fois que j'écoute le deuxième album d'un groupe, je me dis « Bon, ben là, il va nous parler du fait que c'est difficile d'écrire un deuxième album. » Enfin, et ça rate pas souvent, en fait. Et il y en a le même truc dans les romans. Oui, aussi. Le syndrome du second thème. Ouais, parce que le second livre publié pour un auteur, c'est le plus important. C'est celui qui va confirmer que c'était pas un hasard si le premier était à marcher. Et souvent, le syndrome du second tome arrive aussi quand t'écris une trilogie, où le second tome est souvent un préquel au troisième. En fait. Ouais. Ça arrive dans plein de trucs où tu le dis le deuxième et tu te dis « Ouais, bon, le 3 va être bien, mais celui-là, pas grand chose quoi. Voilà, et donc ouais, ça on retrouve pas mal, mais je pense que c'est normal aussi parce que l'artiste, quand il produit en fonction de ce qu'il vit. Quand tu crées ton premier album, t'es pas en train de vivre la gloire, t'es en train de vivre ton quotidien, et du coup tu t'inspires de ton quotidien, et c'est pour ça que t'as autant de matière. Alors que tu viens de faire le buzz et ton quotidien c'est entièrement ton buzz. Bah, les seuls trucs que t'as raconté, c'est les trucs chiants de mec qui a le buzz. Bon, c'est chiant en fait, la vie d'un mec qui a. Non, mais c'est y a rien de plus chiant que d'entendre un mec parler de sa réussite ou de comment il vit. Enfin, oui, t'en fous. Tout le monde s'en fout en fait. Je pense que c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on a ce syndrome de décadence auprès des artistes, tu vois. Bah, décadence, je veux dire, ou d'accoutumance aux drogues par exemple. Ah. Ou de fête complètement loufoque. Je pense que du coup, ils essayent de vivre des choses intenses pour pouvoir après les mettre sur papier ou pour pouvoir toucher le fond et mettre sur papier. Je pense que, inconsciemment, hein, mais je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, genre, ben, maintenant, il faut peut-être que je raconte aussi ce type de misère-là que je suis en train de vivre en tant que personne de réussite. Parce que ça, on le voit beaucoup, je trouve, dans la musique, hein, notamment, hein, comme quoi, ben, voilà, enfin, ils font des soirées comme pas possible et ça tourne mal, ou on avait parlé aussi d'un épisode où il y avait la dépression qui était liée au succès aussi. Mmh. Je pense que du coup, ça vient assez souvent, ça je pense, pour les artistes connus. Ouais, voilà, une chanson sur la dépression du succès. Je pense que c'est assez récurrent. Moi, je me demande si ça arrive réellement tout de suite, alors qu'il y a toute cette dépression après. Ouais. Ouais, mais je suis pas sûre que ça arrive entre le premier et le deuxième album. Ah bah moi je pense comme c'est fulgurant et que ta vie change complètement de jour au lendemain. Et puis t'as mangé une grosse dose de bonheur, pas d'adrénaline, d'endorphine. L'endorphine, pas pour dormir. La molécule du bonheur, non c'est l'endorphine. Non. Qu'est-ce que vous cherchez? La molécule du bonheur. Oui c'est l'endorphine. Ok, donc t'as l'endorphine. Toi tu es bonheur. Voilà, je demande qu'on soit tous d'accord. Voilà. Donc du coup voilà, tu t'en es mangé une grosse dose d'un coup. Et puis, d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, du coup, il faut bien la remplacer par autre chose. Et la drogue, c'est génial. Ça te permet d'en avoir. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui explique cette sorte de décadence et de dépression. Moi, ça me fait un peu l'effet, quand on en parle comme ça, du choc qu'il y a, par exemple, pour les gagnants du loto. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as un gros truc comme ça dans ta vie, il y a vraiment un pic d'adrénaline ou d'endorphine qui te dit « Wouh, il faut que je fasse des trucs !» et tout. Enfin, les gagnants du loto, ils sont suivis... psychologiquement pour pas qu'ils fassent n'importe quoi à cause de ça, et je me demande si ça existe aussi pour les artistes, peut-être que Nono tu peux nous le dire, s'il y a un suivi psychologique après le buzz d'un artiste. Bah pas forcément, en tout cas il n'y a pas de truc spécifique, je pense que ça peut être conseillé mais c'est pas obligatoire. Après ce que j'ai aussi en tête par rapport à ce que disait Tristan, c'est aussi le fait qu'à un moment donné il faut aussi que tu tournes, que tu fasses des concerts, et que tu n'es pas forcément préparé à tout ça et que c'est assez dur. Quand Nolo parlait de chansons sur la dépression, moi je pensais à un morceau de Modern Baseball dont j'avais déjà parlé, où en fait le mec explique qu'il préférait être avec sa copine plutôt que d'être n'importe où en train de demander à des gamins de manger pour le petit déjeuner. Dans le sens où tu vois tes fans et tu sais pas trop quoi leur dire, et t'es là, ok, mais je préférais être chez moi en fait. Et qu'il y a aussi ce côté-là où justement, et comme je disais, l'économie musicale a évolué, et maintenant tu fais tes revenus par les concerts, donc tu es obligé de tourner comme un taré. Enfin, je pense que, par exemple, Eddie Depreto, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup tourné et qu'il s'est très peu posé au final. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut être préparé quand tu fais le buzz. Un coup, c'est qu'on va attendre de toi que tu montes sur scène. Alors, petite question pour continuer sur cette lancée du second album, de l'après la scène, tout ça. C'est, est-ce que vous pensez, en fait, qu'il est possible de créer une carrière solide, donc de passer un deuxième album, peut-être un troisième, quatrième, après une ascension fulgurante comme ça, après un buzz? Ou est-ce que, forcément... ça va s'effondrer, on va perdre... ça va retomber, en fait. Alors, moi, pour ça, donc, du coup, je pensais, en fait, à Christine and the Queens. Enfin, Chris, maintenant. Mm-hmm. Qui, quand même, a eu un sacré buzz avec le premier album. Hein, avec tous ces morceaux, comme ça, qui sont passés en boucle. Et où, finalement, on a eu assez peu de nouvelles pendant, je pense, un an ou deux. Hein, pendant le deuxième album. Et là, elle revient, elle nous fait un Bercy, ou voire même deux Bercy. La tournée des Zéniths, et tout comme ça. Et il y a eu un truc où je pense qu'en même temps, elle a su cultiver l'attente et faire en sorte que son deuxième album, les gens l'ont quand même écouté. On a quand même pas mal passé en radio des morceaux comme Girlfriend, par exemple, enfin, Dame, dis-moi, version française. Et voilà, pour moi, je pense que c'est une artiste qui a su faire quelque chose d'intéressant et qui, je pense, pourra aller loin. Dans la mesure où elle sait créer l'attente et sait créer quelque chose chez le public. et faire un spectacle qui a l'air assez impressionnant, tout ce que j'ai vu. C'est qu'elle elle fait vraiment un spectacle, c'est pas juste elle, mais c'est tout ce groupe de danseurs contemporains. Enfin, d'ailleurs, je la vois à Strasbourg le 15 décembre, 12 décembre. Donc je vous dirai quoi à ce moment-là. Mais voilà, je pensais notamment à ça, moi. Je trouve ça chouette qu'elle ait pu faire attendre justement ses fans. Mais est-ce que c'est pas un luxe? Parce que je me dis que quand même, elle doit avoir pas mal de maisons d'édition qui doivent un peu la pousser. Pas maison d'édition. Maison de disque. Voilà, maison de disque. Qui, je confonds tout maintenant. Ah, on est passé à la chronique musique. Ah ah, ok. Ah ouais, non, attends, je reprends. Je me dis bien, Chris écrivait pas des livres. Mais oui, mais je me dis, la maison de disques doit vraiment pousser les artistes à bah, produire. Et du coup, ça doit être quand même... Enfin, il te faut un sacré cran et caractère pour dire non, on attend. Tant pis, vous prenez votre mal en patience, mais on attend. Enfin... Mm. Je pense qu'elle est en plus chez Universal, ce serait à vérifier. Ou Polydor, oui, peut-être. Je sais pas. Mais c'est quand même des gros... Ouais. Ça reste une major. L'industrie, ouais. Quand même. Ça reste une major, et c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'ils aient laissé comme ça attendre aussi longtemps, oui. Moi, je me demande, du coup, par rapport à la question d'origine, tous les groupes qu'on connaît maintenant, au bout d'un moment, enfin, ils sont pas apparus... Enfin, est-ce qu'ils sont vraiment apparus de nulle part, genre, qu'ils ont fait le buzz et qu'ils ont su rester? Est-ce qu'on les a vus émerger petit à petit? J'avoue que j'ai très peu d'historique sur les trucs. Moi, généralement, je découvre toujours, bah, comme d'hab, hein, les trucs après coup. Mais je me dis, est-ce que tous les artistes qu'on a actuellement et qu'on écoute n'ont pas fait le buzz pour arriver là, en fait? Ça soulève même la question de, est-ce que le buzz, il fonctionne de la même façon aujourd'hui qu'avant? Oui. Est-ce que tu peux apparaître petit à petit, genre qu'on t'entend un tout petit peu, et au fur et à mesure, te faire ta place encore maintenant à l'heure actuelle? Je pense que tu le peux. Et je pense qu'on a un très très bon exemple. Qui est roux, qui n'est pas Tristan, mais qui est Ed Sheeran. Pardon, j'ai mis une... c'était trop tentant. J'étais en train de me dire, quel est l'artiste qui s'appelle Roux? Il y avait Monsieur Roux quand on était... Monsieur Roux qui était très chouette d'ailleurs. Monsieur Roux, j'aimais bien, moi, non, mais tu vois, on l'a oublié. Après Petit Rasta, on l'a oublié. Non, il a fait un deuxième album qui était très chouette et un troisième qui était pitoyable. Ah bah voilà, c'est pour ça. Le plantage du troisième album. Et bref, Ed Sheeran, faut savoir que même si maintenant il remplit les stades de France... Il y a quelques années, il faisait une mini-scène à Rock en Seine. Hein. Et en vrai, il a fait quelques albums, sont passés un peu inaperçus, avant de monter graduellement. Je crois qu'il était connu à partir de Sing, à peu près. Et après, bon, il y a eu l'explosion chez Povio, tout ça, tous les gros tubes. Hein. Mais c'était pas son premier coup d'essai. Mmh. Il est bien fait, j'aurais dit un ou deux EP et un album complet avant tout ça. Oui, ouais, donc ouais, il y a les deux exemples. Quoi. Il n'est pas apparu nulle part, Ed Sheeran. Ça fait vraiment pas mal d'années qu'il est là-dedans. Et de base, il galérait à avoir une maison de disques. Et à l'époque, il avait écrit un morceau, ça le plaît. You need me, I don't need you. Vous avez besoin de moi, j'ai pas besoin de vous. Et finalement, il avait totalement raison. Ouais, mais... Finalement, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il rencontre pas de maison de disques. Mais... T'es salaud, j'aime beaucoup Ed Sheeran. Non, je troll. Mais moi, je me dis, on a l'impression qu'ils pop de nulle part les artistes avec le buzz aujourd'hui, mais en fait, ça. Peut-être que ces gens-là, ils écrivent des musiques dans leur chambre depuis 10 ans, et c'est juste que t'en entends parler en tant que grand public pour la première fois d'un coup, parce qu'avec Internet, dès qu'il y a un truc qui buzz un petit peu, d'un coup, c'est diffusé massivement, alors qu'effectivement, avant, c'était peut-être d'abord un mec qui écrivait des chroniques dans un magazine de musique qu'il découvrait, et progressivement, on se passait le mot, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, dès que tu rencontres un plus succès, c'est dans une proportion, je pense, beaucoup plus rapide. Mais... ça m'étonnerait quand même qu'il y ait des gars qui rencontrent un buzz en se mettant à écrire pour la première fois, par exemple, tu vois. Je pense en rap, ça peut arriver. En rap, c'est plus l'écriture, tu vois, de singles, de trucs qui tapent et tout. Bah, le mec, il a forcément fait un petit peu de musique derrière avant, non enfin... Bah, j'ai vu des conférences où on parlait d'artistes qui, pas forcément. Ah ouais, c'est fou, ça. Tu vois, qui sortent de tôle, par exemple, qui font un morceau là-dessus et ça prend. Comme par quoi, exemple. Aller en prison, vous pourrez faire le buzz. C'était pas ce que je voulais dire, ok. Mais moi, dans l'idée de ce que je parlais, c'était pas forcément genre popper en n'ayant jamais fait de musique derrière. Je veux dire, t'as bossé ton truc, mais d'un coup, il y a un truc qui marche, et après, ta carrière se développe. Tu vois, là, par exemple, Ed Sheeran, on disait, il a fait des petits trucs, donc il était très très peu connu. Et après, il y a eu une ou deux musiques qui l'ont propulsé au rang de star, on va dire, avec des guillemets, tu vois. Mais dans l'idée, il a fallu un ou deux titres. Sinon, peut-être qu'il aurait ramé toute sa vie en faisant des petites scènes et qu'il aurait pas été vraiment connu. Quand on parle de buzz, pour moi, c'est ça, tu vois. Je veux dire, avant Shape of You, personnellement, j'avais jamais entendu parler d'Ed Sheeran, tu vois. Après, je suis pas une référence, mais... Après, justement, il y a des recettes mélodiques, comme on dit, qui font que ça fonctionne. Shape of You, ta, pa, pa, pa, pa. Et il y a ce qu'on appelle le millennial whoop. Par exemple, c'est... Oh, oh, oh, oh. Voilà, quelle horreur ce truc. Voilà, et ça, tu vois, dans toutes les chansons pop ces derniers temps. C'est vrai. Enfin, depuis pas mal d'années, en fait, ce... Alors, tu fais une magnifique transition pour la question suivante, qui est en parlant de petites recettes magiques musicales. Recettes magiques musicales, me semble passer à tube de l'été, et donc, est-ce que vous avez peut-être des idées de tubes de l'été qui ont super bien marché d'un coup, et que depuis, plus jamais entendu parler, ou même, plutôt, même l'inverse, des tubes de l'été qui ont... où tout le monde s'est dit, ça va disparaître, et 10 ans après, c'est et l'évidence, lambada. Tout le monde connaît. La lambada. La lambada. Ah ouais, la lambada. C'est comment déjà, lambada? Ah, moi je connais pas. Je suis 93, hein. Ah merde. Enfin, on va vous mettre un extrait juste là. On est obligé. Écouter juste après. Oui, comme ça ils vont comprendre. Il y a d'accord. Peut-être des gens qui connaissent pas la lambada. Et clairement, c'est un tube de l'été. Alors en plus, les gens se sont fait arnaquer parce que justement, ils ont signé avec quelqu'un et ils ont mal signé le truc et du coup, ils ont jamais eu l'argent. C'était vraiment genre une misère. Total, la lambada, mais c'est encore un truc que tu peux entendre maintenant, en fait. D'accord. La Macarena, sinon. Hein. Oui. Les gars sur l'avion, là. Ah, oh, Ozone. Est-ce que c'était un tube de l'été, ça? Oh, ah oui, c'était un tube de l'été de ouf, mais par contre, plus jamais personne n'en a entendu parler, après. Complètement. Non, mais non. Ah oui, voilà, c'est et ça. Et on vient de les appeler les gars sur l'avion, là. Voilà. Et on a compris. Moi, je détestais cette chanson. Ah ouais, je vais bien. Florence Foresti a fait le skate. Ah oui, l'avion Barbie. Elle éclatait sur l'aile de l'avion Barbie. J'étais, mais heureuse, moi. Oh, j'ai haï cette chanson. Moi, je mets single avec la version française. Il y a une version française. Oui, oui. Mais je pense que c'est encore pire. Oui. J'ai vu ça comme ça bizarre. Barbie Girl. Pareil. Moi, ouais, ils ont fait d'autres. À quoi avaient fait d'autres trucs. Hein? Ouais. Ah ouais. Oui, bah... si, oui, ouais. Ouais. Bah moi, je m'en souviens pas. Moi, quelques-uns, c'est vrai. Mais. Mais tu vois, c'est le genre de chanson. Oui, ça nous vient, mais c'est vrai. Et puis sinon, oui, en très récent, bah, on peut prendre Despacito. Ou, oui. Comment il s'appelait l'autre avant? Ah, c'était une chanson qui parlait de cul aussi. Je en parle justement Robin Thicke, Blurred Lines. Là où on apprend qu'une nana s'y a dit non, en fait c'est oui. Non, c'était un mec qui faisait un geste comme ça et qui. Ah ouais? Oui. Oh putain, c'était. Alors, du coup, on ne voit pas la pas radio. Mais le geste comme ça, c'est le sort de semi-levrette. Ouais, je sais plus ce que c'était. Mais il le faisait même dans son clip et tout le monde était là, genre, oh, c'est trop romantique. Non, mais faites même un Google Trad, c'est pas romantique. C'est pas COTP Go là? Si, c'est comment il s'appelait ce truc? Bacul bidule, non? Nelou et moi sommes totalement perdus. Et un peu atterrés. Exact. Non, mais c'était il y a quoi? Oui, quelques années, oui, truc comme ça, ouais. Ça doit être 3 ans, c'était un tube de l'été, mais c'était dans le même truc que Despacito, clairement ça veut dire je te baisse, tu vois. Mais. Ça a l'air d'être la thématique récurrente des tubes de l'été. Hein, bah, l'été, c'est le sexe. Du coup, Ozone, c'était pas mal ce qu'il faisait finalement. C'est pas faux. En fait. J'ai la version française pourtant. J'ai pas regardé sur Google Trad. Mais j'avoue que clairement, moi je trouve ça atterrant tous les étés où t'as toutes les. Je vais pas dire les barbèches parce que c'est méchant. Mais un petit peu quand même qui sont là genre. Ah, oh, c'est trop romantique! Non mais fais un Google Translate. Tu verras clairement que la chanson elle est pas romantique du tout. Bah même Blurred Lines, hein. Oui, bah oui, c'est good aussi. Girl, I know you want it. Nanana. Là on dort sur nos chaises actuellement. Voilà, ouais, c'est hyper cool. Je me demande vraiment pourquoi. Comment ça se fait que ça marche? Mais je pense que les gens n'écoutent pas les paroles. Oui. Mais non, même sans parler des paroles, le rythme, enfin la musique en elle-même est chiante. Ouais, mais c'est inconscient. Je veux dire, on te la passe. Tu fais du shopping dans un grand centre commercial et tout, on te la passe. Tu fais tes courses, on te la passe. Mmh. Tu es dans une voiture, tu prends un Uber. Il a laissé dedans. Mmh. Je pense que c'est automatique. Au bout d'un moment, tu l'as intégré en fait. Mais moi, j'avais vu une personne sur internet. Alors, je sais plus ce qu'il faisait comme vidéo de base. Donc, c'était un youtubeur qui avait fait justement une étude avec les tubes de l'été. Combien de fois tu l'écoutais? Et il faisait une journée vraiment bien remplie. Pareil, il faisait ses courses, il prenait le métro, il allait faire plein de trucs et tout. Et je crois qu'il l'avait entendu plus de 11 fois. Oh, sachant que dans la musique, il y avait également tout un truc qui se répète. C'est vraiment la musique était construite dans sorte où tu entendais beaucoup 8 fois je crois la même chose mais rien que la mélodie, même pas les paroles. Et en fait il disait ton cerveau adore les répétitions, il supporte pas qu'on le perturbe et du coup c'est un truc qui va te rester en tête et du coup ton cerveau va bien l'aimer et du coup tu vas finir par l'aimer. Et du coup ça me donne enfin une explication rationnelle de pourquoi toutes les musiques modernes se composent uniquement de refrains couplés. Alors que moi, je trouve ça chiant comme la pluie. Alors, personnellement, si vous voyez cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos de ce podcast. Comme ça, vous pouvez la revoir aussi. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'étais là aussi, genre... En effet. Oh, tout s'explique. Okay. Bien, et ben voilà. Donc, on attend de voir le prochain tube de l'été parce que ça, le tube de l'hiver n'existe pas peut-être encore. Peut-être que le podcast pourrait faire un tube de l'été. On va faire une chanson, les gars. Ça va être Au cas où. Au cas où. Justement, on ne le tisse pas tout de suite, enfin. On parlera au cas où plus tard. Très bien. Et ben on va s'arrêter là pour la musique du coup. Bon, merci. On s'écoute un petit morceau du coup. Ah mais oui, un petit morceau. Un petit morceau. Et ce sera pas la lampe bada. Ce sera pas la lampe bada. Non, ça va aller, merci. Non, du coup on s'écoutait Aloïs Sauvage, vu que j'en ai parlé dans ma chronique et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sauvage. Sauvage. Donc voilà, c'est ce petit caméléon qui fait à la fois du cirque, du cinéma, de la chanson. Voilà, pour l'instant il y a effectivement que 3 titres. Qui sont un peu un petit mélange entre chansons françaises, slam, électro, pop. C'est très très très cool. Et je pense qu'elle a un très bel avenir devant elle. Du coup, on va s'écouter Higher, Higher. Et ça écorche les syllabes. Et ça trébuche sur ton nom. Et tu te déportes tel un crabe. Jamais de face, presque à reculons. Tu veux te montrer, mais t'as peur qu'on te voie. Tu sais comment exister, mais t'as peur de te croire. T'es ton propre coach. T'as peur de louper le coche. La vie t'attriste comme elle t'attire. Et tu veux juste la remplir comme tes poches. C'est la pluie qui veut ça. Qui veut nous tremper jusqu'aux os. C'est l'angoisse qui dit ça. Qui dit tu vas te tromper mais reste fort. You want to disappear so many times. What kind of illness it is. You want to disappear so many times. What kind of illness it is. Mais ton courage te fait tenir. Je crois qu'il n'y a pas d'issue. Les coups de rage font souffrir. Voyez comme ils nous mènent la vie dure. Au bout du rouleau, le diable s'excite. Prêt à jeter à l'eau, mais les drames, c'est vite. Ça va si vite. Ça va si vite. Ça va si vite. Life is pretty, but life is weird. It's a pity that you're not your own lady. They don't know. I repeat, they don't know, just follow your feelings, just follow. You want to disappear so many times, what kind of illness it is. You want to disappear so many times, what kind of illness it is. Dans ton ventre, ça monte, c'est pas tendre. Les mains sales, les pieds nus, le cœur pâle, les mots crus. Et la chute qui t'attend. Tu veux exceller et ça se voit pas. T'as fessé, etc. Et la chute qui t'attend. On va tomber du jour au lendemain. S'écraser au sol, s'élever pour rien. Au fond, c'est con, c'est fou, c'est tout. On aura tout fait pour, comment est-ce possible. Je ne crois pas au succès, mais à la réussite qui succède. Aux travaux succincts après les échecs. Essuyés qui excèdent. You want to disappear so many times. What kind of illness it is. You want to disappear so many times. Disappear so many times. What kind of illness it is. You want to disappear so many times. What kind of illness it is. Après cette pause musicale, nous revenons donc à notre numéro du podcast. Et pour ce faire, j'accueille donc Nolou, à nouveau, qui va nous parler de cinéma. Cinéma, une chronique de Nolou. Donc, je rappelle ma chronique, alerte spoiler. Avant même d'avoir envie de voir un film au cinéma, nous avons le droit à une multitude de publicités sur le sujet. Plus le film est budgétisé, plus les démarches pour nous convaincre d'aller le voir sont énormes. Nous voyons défiler devant nos yeux différentes étapes avant même de voir le film, comme le teaser 1, le teaser 2, le teaser du trailer, celui-là il est un peu perfide, le teaser télé, 3 trailers, le final trailer, l'international trailer, et dans certains cas un peu plus rares, le trailer japonais, un peu perdu au milieu de nulle part, le trailer taillé pour les réseaux sociaux, des extraits du film, par exemple les 10 premières minutes du film, et enfin plus récemment les bumper trailers. La bande-annonce dure à peu près 5 à 10 secondes juste avant les premiers trailers. Ce dernier format a été utilisé par exemple pour Wonder Woman. J'appelle ça le trailer des feignants. On te l'envoie dans la tronche sans que tu n'aies rien demandé. Tu n'as pas besoin de le chercher ni d'écouter le son. Ça glisse tout seul, tu as juste à te laisser faire. Et en parlant de son, les bandes-annonces ont bien changé aussi depuis leurs premières apparitions. Elles se sont peu à peu adaptées à leur public, avec au début un narrateur face caméra, puis une voix off, des dialogues, et maintenant nous voyons de plus en plus de bandes-annonces avec un fond musical un peu façon clip. Que vous le sachiez, ce n'est pas les studios qui fabriquent les bandes-annonces, ce sont les agences spécialisées. Agences qui bossent en parallèle avec la production des films. Ce qui explique que quelquefois il y a des images qui ne sont pas dans le montage final, ou bien qui collent des plans pas tout à fait finis. Par exemple, dans un des Star Wars, il y a un combat au sabre laser où les sabres laser n'ont pas eu le temps d'avoir un montage digne de ce nom et donc ils se battent avec des sabres laser pas éclairés. Le réalisateur peut s'impliquer dans la bande-annonce, mais bien souvent il ne se donne pas cette peine. Et quel dommage, parce que c'est ça qui nous donne envie, qui nous font pétiller nos pupilles. De nos jours, on reproche beaucoup les bandes-annonces qui spoilent, qui racontent le film, même jusqu'à la fin. On dit que c'est un concept assez récent alors que, bah non, pas forcément. Par exemple, la bande-annonce de Seul au monde en 2001 avec Tom Hanks perdu sur son île déserte, elle nous montre bien qu'on n'a pas à s'inquiéter pour lui. La bande-annonce révèle très clairement son retour à la civilisation alors que ça ne concerne que les 30 dernières minutes du film. 2001, c'est peut-être trop récent pour vous. Eh bien, prenons Rocky en 1976 qui met carrément le générique de fin dans sa bande-annonce. Mais des défauts dans les bandes-annonces, il y en a d'autres. N'avez-vous jamais rencontré celle qui n'est pas fidèle ou encore celle qui fait de fausses promesses? Il y a certaines bandes-annonces qui sont parfois mieux que le film lui-même, ce qui nous vaut l'effet d'un pétard mouillé, comme Suicide Squad par exemple. Et ce que je dénonce aujourd'hui, c'est que les bandes-annonces sont devenues un marché. Et comme le dit très bien le fossoyeur de films, elles sont censées créer l'envie, pas le besoin. Et je crois qu'effectivement, on perd de plus en plus cette notion dans les bandes-annonces. Du coup, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseillerais bien de faire comme moi, de fermer les yeux et de boucher vos oreilles chaque fois que vous en croisez une sur votre chemin. Mais je sais qu'il est très difficile de résister à leur appel, presque aussi dur que des chants de sirènes en pleine mer. Alors ce que j'ai à vous dire, c'est plutôt de prendre les bandes-annonces comme un court-métrage à part entière, qui ne représenterait pas vraiment le film comme il est. Un peu comme si c'était un ami qui vous racontait le film, mais avec sa propre version de l'histoire. Et dites-vous bien au passage que cet ami en question recevra une petite somme d'argent pas négligeable s'il arrive à vous convaincre. Alors, gardez à l'esprit qu'il ne sera pas très objectif. Donc mon premier conseil, c'est de faire votre propre opinion des films sans vous laisser totalement influencer par les bandes-annonces. Et mon deuxième conseil, c'est d'aller voir un film sans avoir vu la bande-annonce, où vous n'aurez pour seul indice que le titre. Laissez-vous guider par des films au hasard, Balthazar. Faites le choix de l'inconnu de temps en temps. Vous verrez, ça fait du bien parfois de se laisser totalement guider et surprendre. C'est généralement dans ce cas qu'on trouve les plus belles pépites. Peu importe votre choix, tout ce que je vous souhaite, c'est de rester un spectateur avant de devenir juste un consommateur. Très bien, merci Nolo pour cette chronique. J'ai une première remarque, c'est que là, pour l'instant, on parle beaucoup de marketing, en fait, dans ce... dans ce podcast. Je sais pas si Tristan tu en parleras ensuite, mais là je trouve que c'est vraiment un thème qui ressort des trois chroniques qu'on a eues jusque là, ce que je trouve assez intéressant. C'est le podcast du capitalisme. Totalement. En même temps, les personnes qui créent la hype, c'est les gens du marketing. En fait, c'est vraiment toute la communication et tous les visuels qu'il y a derrière. Donc c'est clair. Je pense que c'est intrinsèquement liés, en fait, les deux, marketing et hype. Je veux dire, s'il n'y a pas d'équipe marketing, il n'y a pas de hype. Oui, tout à fait, oui, ça... voilà, c'est effectivement un premier point. C'est ça, pour moi, la poule ou l'œuf. C'est ça, la poule. Du coup, finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer de pas avoir ce côté marketing et même de ne pas avoir de bande-annonce, tout court? Est-ce que ça marcherait tout autant? Est-ce qu'on est à voir les mêmes films? Je pense que c'est possible. Je crois que c'est Netflix. Je crois qu'il n'y avait pas de bande-annonce qui avait été faite pour... Okja? Cloverfield 10? Non. C'est un film, en fait, c'est... je ne sais plus pour quel festival. Il y a Netflix qui est arrivé, qui présentait un truc et dit « Ah, au fait, on a ça !» Et c'est disponible maintenant. Et vous ne l'avez jamais vu avant. Et ouais, c'était... Non, c'était pas... C'était pas Okja? Non, c'était le préquel de Cloverfield. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas le préquel, c'est la suite, ouais. C'est la suite? Ouais, c'est dans la saga Cloverfield, mais c'est un peu différent parce que... si Nelou, tu connais Cloverfield. Oui. En fait, avec Nelou, on aime bien les voir parce qu'on les trouve particulièrement mauvais. On aime bien en ce moment. J'avoue que je les ai pas. Et c'est très nul. Mais si tu vas en sachant que c'est nul, tu passes un bon moment. Ça marche. Mais en fait, il y a une petite communauté de fans qui suivent par ce projet de J.J. Abrams, qui est bon, qui est déjà assez connu comme bonhomme, vu qu'il a bossé sur Star Wars 7 entre autres. Et c'est un projet qu'il veut faire sur des dizaines de films qui se passent à chaque fois dans un genre différent, et du coup il s'est créé une sorte de fanbase là-dessus. Donc il a presque pas besoin de faire de trailer finalement, parce que cette aura de mystère va presque rajouter finalement à la hype. En fait, bah en fait, moi je trouvais ça intéressant vraiment de sortir quelque chose et de dire ok, on l'a, on vous en parle maintenant et vous pouvez le trouver tout de suite, genre vous sortez de la scène, vous pouvez l'avoir en fait. Et du coup je trouve que c'est une hype différente. Parce que tu vas pas l'attendre pendant quelques mois, quelques semaines. Mais là, tu vas dire, ok, je rentre chez moi, je le regarde, en fait. Et ça va être un effet immédiat, je trouve. Netflix joue pas mal là-dessus. Ils ont fait la même chose avec le film Psychokinesis, je crois, quelque chose comme ça. Qui est le deuxième film du réalisateur qui a fait Un dernier train pour Busan. Pareil, il est sorti du jour au lendemain sans aucun trailer. Enfin, en tout cas, il est un peu passé inaperçu sur sa sortie. Et je pense qu'il joue là-dessus, en fait, vu que Netflix, c'est un peu le zapping moderne. Hein, t'es dessus, tu dis, bon, qu'est-ce que je regarde aujourd'hui? Ça, j'ai vu, ça, c'est nul, ça, j'ai vu. Et puis d'un coup, oh, tiens, un nouveau film qui vient de sortir. Hey, mais c'est le réalisateur de Dragon Ball Busan. Et bam, tu tombes dessus. Ouais. Donc finalement, il y a, dans le cas d'une plateforme un peu fermée comme ça, il y a peut-être moins besoin de trailer que dans le cinéma, où là, il faut que les gens se déplacent pour venir à... Alors, effectivement, sur Netflix, plusieurs remarques. C'est qu'après, d'un côté, ok, c'est disponible tout de suite. Mais est-ce que tu vas vraiment avoir le temps et l'envie de regarder tout de suite? Est-ce que du coup, tu ne vas pas oublier de le regarder dans ce cas? Ça, c'est une première problématique. Et de l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que Netflix ne fait pas de marketing, ne fait pas de teasing. Ah oui. Il est différent. Il se fait plus sur les réseaux sociaux aussi, sur les campagnes ou sur les grands affichages. Maintenant, Netflix, tous les mois, ils mettent un petit récap de tout ce qui va arriver chez eux. Oui, ça, c'est vachement bien. Je valide. Moi, j'aime beaucoup aussi, voilà. Malgré tout, ils créent quand même une hype et c'est pas juste boum, il y a ça. Ouais, tout à fait. Après, il y a des trucs où tu dis, tiens, on a Harry Potter au fait, cadeau. Ouais, et ça vient un peu du jour au lendemain et c'était magnifique. Hein. Oui, il y a Harry Potter sur Netflix. Novembre, ouais. 1er novembre, ils l'ont sorti. Bon, par contre, le 15 décembre, il y a Fifty Shades, c'était pas la peine. Ah oui, j'ai eu. Moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça? Mettez le Grinch. Mais l'original, hein, suite 2000, on est d'accord. De toute façon, ils pourront pas avant 3 ans, donc ça c'est réglé. Pour la dégâts. Chronologie des médias. Alors, la chronologie des médias, c'est justement ce qui fait actuellement bien bien chier Netflix. C'est qu'en fait, c'est le principe, ton film sort au cinéma. Donc tout le monde est heureux, tout le monde fait l'amour, à peu près. Au bout d'un certain temps, ton film va pouvoir... Alors attends, d'abord, je crois qu'il est disponible en VOD, je crois, mais genre VOD payante. Ouais. Après, je crois que c'est des DVD. Après, ce sont les chaînes payantes type Canal. Après, ce sont les chaînes publiques type TF1. Et après, ce sont les plateformes de VOD sur abonnement type Netflix. Donc, il y a 20 ans entre les deux, parce que, j'ai pas dit 20 ans, 3 ans. Oui, mais moi, je te dis le Grinch. Ah non, je te parle de l'actuel. Hein. Ah oui, non, moi, je l'actuel, te parle si de Netflix de voulait... 2000. Ah non, c'est bon. Mais l'actuel, non, mais si Netflix voulait le mettre... Alors, on tourne, il est sorti hier, hein, l'actuel. Donc, Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est de toute façon, il faudra attendre 3 ans avant d'avoir l'actuel sur Netflix. Ah oui. Ça, c'est incompréhensible, c'est la loi, elle est comme ça, elle est un peu réformée, mais on n'y comprend que dalle. Mais okay, voilà, de toute façon, voilà. Il faut 3 ans avant qu'un film apparaisse sur Netflix. D'accord. Depuis le cinéma. Mais du coup, pour revenir un peu sur l'idée, moi, des bandes-annonces, j'avoue que l'idée où tu disais, ah oui, faudrait peut-être le prendre presque comme un court-métrage, Moi, j'ai vu ça avec récemment, je suis allée voir deux films à la suite au cinéma. C'était Le Grand Bain et Le Jeu. Donc, Le Grand Bain, c'est celui avec des hommes qui vont faire de la natation synchronisée. Et Le Jeu, c'est celui où tu mets tous ton téléphone au milieu et si t'as un message ou un appel, tu le lis en public et tu réponds en public. Et clairement, en voyant les bandes annonces, j'étais beaucoup plus hypée par Le Jeu, qui avait l'air un peu plus critique sociétale, et Le Bain, qui pour moi était un petit peu plus. Enfin, Le Grand Bain, qui était un petit peu plus détente. Et clairement, à la sortie du film, je me suis sentie arnaquée de ouf. Ah ouais ? Le Jeu, celui où j'en avais le plus d'attente en fait. Je suis sortie en me disant j'aurais mieux fait de pas le voir. Alors que Le Grand Bain, je l'ai trouvé juste ouf, alors que j'étais très très mitigée de la bande-annonce. Et j'étais vraiment contente du coup, de, entre guillemets, de lui avoir donné sa chance. C'est bon, parce que moi, Le Jeu, ma réaction pendant c'était ça a l'air tellement con, j'ai envie de le voir. Oui, mais j'ai pas du tout pensé que c'était ça, juste pensé c'est Cody Conman Con, ok. Ouais, mais un petit peu, je me suis dit, tu sais, enfin c'est un peu la critique des couples modernes avec hyper connectés, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, on est tous en soirée et t'as toujours au moins une personne qui est sur son téléphone, tu vois. Et tu te dis, bah, c'est le côté un peu drôle. Et puis après, ben, dans la bande-annonce, ils te montraient aussi, genre, les couples qui sont pas hyper fidèles, mais en même temps, tu sais pas à quel niveau, tu vois. Donc c'était un peu, pour moi, ça. Et oui, ça avait l'air débile. Mais c'est vrai qu'à la fin, je suis sortie du film en me disant, ouais, et ben, j'aurais peut-être mieux pas dû. Enfin, c'est même pas français, mais c'est un peu l'idée, tu vois, j'aurais pas dû y aller, quoi. Je comprends. Tellement c'était mauvais que t'as perdu ton français, quoi. J'aurais peut-être mieux pas dû, quoi. Je vais pas dire le truc, mais clairement, sinon, partez avant la scène finale. Ok. J'aimerais répondre à plusieurs choses qui sont passées. Vous avez parlé de Netflix et que justement, Netflix faisait pas vraiment de bonnes annonces. Et en fait, je vous ai parlé des bumper trailers qui duraient 5 à 10 secondes et en fait, c'est sans son. Et c'est exactement ce qu'utilise justement Netflix. Parce que quand tu passes, il y a des images qui défilent. Sur l'écran d'accueil. Et voilà. Et donc, ça, on peut considérer que c'est une bonne annonce ou un trailer. Et donc, pour reprendre ce que tu viens de dire, Evie, sur justement les fausses bonnes annonces. C'est super enfin, intéressant. Surtout voilà. Derrière, bah, en fait, c'est des fausses promesses. C'est ce que je disais. Il y a des bonnes annonces qui sont totalement des fausses promesses où ça a l'air vraiment chouette. Et quand tu y vas, tu te dis justement, mais je me suis fait arnaquer. Et c'est là où je posais la question, mais le réalisateur, tu fais quoi ? Et dans World of Warcraft, justement, donc le film, le réalisateur était hyper déçu de la bande annonce qui est sortie. Bon, après, est-ce que c'est pas un peu une excuse, genre mon film n'a pas marché parce que la bande-annonce était nulle ? Mais c'est vrai que du coup, vu que t'as pas une mainprise totale sur la bande-annonce, c'est un peu, tu vois, des fois, à mon avis, les réalisateurs doivent être là, mais les gars, pourquoi vous avez fait ça, quoi ? C'est comme Rocky, genre, vraiment, genre, je l'ai vu, quoi. Il y a générique avec les noms qui défilent. Putain, tout. C'est ouf. Tu fais, mais quoi ? Les gens, ils ont quitté la bande-annonce. Hein, mais quoi ? Ouais, c'est ça. Vous arrêtez. C'est n'importe quoi. En fait, c'était pas du tout la même façon de faire à l'époque encore. Ouais, c'était il y a masse de temps aussi, donc peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être pas aussi important la bande-annonce à l'époque qu'aujourd'hui. Ah, quand même, parce que justement, il y avait la voix off ou le spectateur, enfin pas le spectateur, mais le narrateur qui était là, qui présentait le film. Vous vous souvenez pas, peut-être des vieilles bandes-annonces en noir et blanc où t'as un narrateur qui est là, qui explique. Mais en termes d'impact sur les ventes, c'est ça que je veux dire. Ah. Peut-être que le marketing n'était pas aussi important et même pas aussi bien réfléchi il y a 30 ans qu'aujourd'hui, parce que c'est finalement un domaine relativement récent, le marketing. Enfin, c'est pas si vieux que ça, ça vient avec l'avènement ultra-capitaliste. Alors, pas aussi bien réfléchi possible, mais je me demande si c'était pas presque plus important. Parce que le cinéma est un peu cher maintenant. Mais c'est vrai qu'on le consomme quand même énormément. Enfin, je veux dire, autour de cette table, on a tous une carte illimitée. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement aller au cinéma. Du coup, il n'y a pas besoin qu'on soit hypé de fou par une bande-annonce pour y aller. Tu vois, Le Jeu, par exemple, c'est un peu comme ce que Nono disait. Ouais, ça avait l'air con, donc ça me dit bien d'y aller. Enfin, il n'y a plus d'impact derrière. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, tu te dis, bah, c'était une sortie d'aller au cinéma. C'était un budget, c'était vraiment genre, tu prévoyais le coup à l'avance. Je me dis peut-être que l'impact était plus fort qu'une bande-annonce. Je sais pas. Mais alors du coup, pour la question, est-ce que vous vivrez dans un monde où justement vous allez au cinéma et vous ne voyez pas de bande-annonce ? Parce que ça fait quelque part un peu partie du folklore aujourd'hui. Quand on va au cinéma, on s'attend à voir une multitude de bandes-annonces avant que commence le film. Et il y a certaines personnes qui attendent ça avec impatience justement. Alors moi justement, je suis très bande-annonce en fait. J'aime beaucoup arriver vraiment au début de la séance et de voir un petit peu les bandes-annonces, me dire tiens, qu'est-ce que je vais voir que je vais pas voir ? ou me marrer quand c'est juste des bandes-annonces de merde, hein. Parfois c'est juste pour le divertissement, hein. Surtout qu'en ce moment je passe pas le temps à Bruxelles et que je joue des bandes-annonces en néerlandais, et c'est toujours un très très beau moment pour moi. Donc c'est ça qui est pas négligeable, mais non, personnellement je suis très bande-annonce finalement pour savoir un peu ce que j'ai envie de voir et avoir une première idée du visuel, hein. Moi aussi j'aime bien les bandes-annonces et j'aime bien les bandes-annonces quand je suis dans le cinéma et que j'attends pour un film comme toi, Nono. Je trouve que c'est un moment sympa, tu discutes avec tes voisins de rangée, oui, ce film ça. A l'air bien, tout ça, vous l'avez l'air nul. Je comprends aussi le fait de vouloir se cacher de la bande-annonce et en fait j'aime bien avoir des moments dans l'année où je ne vais pas voir les bandes-annonces. C'est le cas, par exemple, du Festival du Film Fantastique, oui. Où on va voir plein de films, on n'a aucune idée de ce qu'on va voir, et j'adore ça, j'adore vraiment cette surprise à chaque séance. Et d'ailleurs, ça nous arrive aussi de temps en temps, avec nos loups, d'aller se faire des films sans savoir ce qu'on va voir, et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Bah pour le FAF, moi, je suis totalement d'accord avec l'idée. Moi, je sais que, par exemple, je prends le petit carnet, même pas le grand, et je lis les trois lignes, et je me dis, ok, vas-y, au pire, on s'en fout, c'est le FAF, en fait. Mais après, je pense que des fois, alors peut-être sur certains films, la bande-annonce aurait une importance. Je vais parler principalement d'un film où j'ai vu l'affiche. Où en fait, c'est une petite fille qui joue dans une piscine avec une personne adulte. Il s'appelle Les Chatouilles. En fait, ça va parler de viol sur une enfant. Oui, tu vois l'affiche, c'est tout choupinou. Voilà, si tu vois l'affiche sans savoir, tu te dis « Ah, bah, ça peut être un film de famille et tout. » Et en fait, pas du tout. Et je me dis, à des moments, la bande-annonce peut être assez intéressante là-dedans, surtout pour prévenir le spectateur de ce qu'il y a derrière. Oui, alors il y a une bonne annonce sur Eyes Red, je crois, yeux rouges, où justement elle est présentée au début comme une comédie romantique, et ils se rencontrent dans l'avion et tout, et en fait c'est un psychopathe, et tu t'en rends compte qu'à la fin de la bande annonce, mais au début c'est genre deux personnes se rencontrent, c'est l'amour dès le premier regard et tout, et puis en fait non, ça dévrie complètement, et je trouve ça hyper intéressant ça, ce genre de bande annonce, qui justement te fait croire un truc, et puis après... pas du tout, quoi. Et je voulais parler des bonnes annonces qui te gâchent un peu le film. Donc là, vous avez tous dit que vous pouvez pas vivre sans bonnes annonces. Alors c'est marrant parce que je pense que c'est quand même un truc hyper marketing qui finalement a été très inclus dans notre société et qui aujourd'hui est totalement accepté et approuvé. Et là, je vais vous dire, mais moi, en fait, quand je regarde une bonne annonce, c'est pour ça que j'en regarde très très peu. C'est parce que justement ça me gâche les plaisirs du film, des moments du film. Il y a des fois des passages qui vont me montrer, qui vont me hyper, hein, ça c'est sûr, mais du coup je vais attendre tellement ce passage là dans le film que du coup tout le reste je vais même presque m'en désintéresser tellement j'attends ce passage, et au moment où il va arriver, ben ok, il est passé, c'est bon, tu vois, mais ça va pas me procurer non plus un plaisir fou, et ça va presque me gâcher tout le reste du film. Je vois un petit peu l'idée. Alors moi, je suis pas tellement vivre avec ou vivre sans. Tu vois, quand elles passent, je les regarde. Si je les loupe, hop, j'ai pas tellement d'intérêt là-dessus. Mais je comprends totalement l'idée du fait que t'attends. Parce que à l'époque où il est sorti, le dessin animé de là-haut, avec ma sœur, mais on l'avait bouffé, la bande-annonce, mais on la connaissait par cœur. Toutes les scènes avec le chien et tout, on était trop ouf. Et du coup, quand on allait le voir au cinéma, on attendait que ça. Et quand elle passait, on était là, t'es genre presque, on faisait le discours en même temps. Donc, je pense qu'on allait faire chier tous les mains à côté. Je suis désolée si vous étiez dans la salle. Mais clairement, du genre, t'es genre, mais c'est un chien qui parle. Tu vois, genre, on le connaissait par cœur, le déjà. J'aime beaucoup cette scène. C'est ça, vous avez parlé à un rocher. Tu vois, genre, mais Kevin est une fille. Je veux dire, encore maintenant, je les connais, c'était des parties dans la bande-annonce. C'est bien ce film, putain. Mais je veux dire, c'était des parties qu'on avait vues dans la bande-annonce, et clairement, c'est ça qui nous a hypé. On est allé le voir pour ça, parce que ça avait l'air juste génial. Alors, tout le reste du film est génial, hein. Mais c'est vrai que ma sœur et moi, on était là, genre, on faisait le discours en même temps qu'eux quand c'était des parties de la bande-annonce. Donc, je comprends l'idée d'attendre le truc. Pardon. Ouais. Moi, je reviens un petit peu sur le fait que je ne pourrais pas vivre sans bande-annonce, quand même. Moi, je suis très, très, très énervé de la multitude de formes des bandes-annonces qui existent. Ça me pollue totalement mon environnement numérique. Par exemple, il y a un film que j'attends énormément, c'est le dessin animé de Spider-Man avec tous les Spider-Man des multivers. Oui. J'ai une très grosse attente sur ce film. J'ai vu une fois la bande-annonce et j'étais très content de la voir parce que déjà je m'attendais pas à ce qu'il sorte et je l'ai trouvée bien faite en plus, je l'ai trouvée vraiment jolie, la bande-annonce, donc ça m'a donné envie. Depuis, tu vois. Mais par contre, cette bande-annonce, elle m'est bombardée, quoi, sur tous les réseaux sociaux, sur tout, partout, et j'en peux plus. Et en fait, je suis limite déjà fatiguée de ce film avant d'être allée le voir au cinéma, à tel point que je sais même pas si je vais aller le voir au cinéma finalement. Donc, un peu en demi-teinte pour moi. Tu te sens harcelée. Ouais, un peu harcelée, ouais. Mais des fois, moi, j'ai l'impression d'en avoir tellement. La dernière fois, justement, on se posait la question avec un ami, parce qu'il y a la nouvelle bande-annonce, comme je sais plus qui le disait, autour de cette table de Toy Story et du Roi Lion qui est sorti. C'est Nono. C'est Nono, il me semble. Et on avait même un doute, tellement on l'a vu, si Toy Story n'était pas déjà sorti. Non, mais enfin vraiment, on l'a tellement vu sur les réseaux sociaux. Encore, je pense que là, je prends mon téléphone, je regarde, j'ai une bande-annonce du Roi Lion et Toy Story. Et puis c'est tellement en avance aussi, parce que là, pour le coup, la bande-annonce de Spider-Man, c'est sorti cet été. Ah, moi je l'ai pas vu cet été, moi je l'ai vu récemment. La première fois que j'ai vu, c'était cet été, et là elle commence à être vraiment bombardée. Et moi ça m'arrive fréquemment de me dire bon, ben allez, je vais au cinéma pour voir tel film, j'arrive, je fais bah il y est pas, je regarde la date de sortie, ah, mais c'est dans un mois en fait. Mais j'avoue, ouais, Toy Story et le Roi Lion, je crois que c'est l'été prochain. Le Roi Lion, c'est l'été, Toy Story, je pense que c'est pareil. Je sais pas, mais vraiment, on l'avait tellement vu qu'on s'est demandé s'il n'y en avait pas un des deux qui était déjà sorti. Alors moi j'étais persuadée que le Roi Lion non, parce qu'il venait de popper dans mon fil d'actualité, mais Toy Story, je me suis dit bah non, je crois pas. Il me dit mais si, je crois qu'il est sorti il y a 2-3 jours et tout. J'étais ah bon, t'es sûr et tout. On a vraiment dû vérifier à cause de ça. Hein. Toy Story, moi j'étais pas au courant, je viens de l'apprendre. Ça va, ah bon, c'est pas qu'il va regarder ça. Ah bah bravo la chronique cinéma. J'avoue que j'ai pas regardé les deux. J'avoue. Voilà. Comme quoi les bandes annonces, j'essaye. Ah oui bah vraiment. Je les fuis comme la peste. Ouais, c'est ce niveau là quand même. Parce que tu as des bonnes personnes dans ton fil d'actualité. Parce que moi ils le repartagent tous. Hein. Pourtant les bandes annonces de Toy Story 4 sont pas sous la forme d'une bande annonce classique. Elles sont un petit peu originales en fait. Ah. C'est un peu comme des mini courts métrages à chaque fois où tu vois les personnages du film qui discutent entre eux. Ah, oui, c'est vrai, il y a des trucs. C'est, ouais. C'est sympa, tu vois, ça fait. Bon, c'est Pixar, ils aiment bien faire des le trucs fou, comme ça. Ouais. Pixar, ils font des trucs cool. Ouais. Après, j'avoue que moi, par exemple, j'ai pas regardé les deux. Alors, il paraît que le Roi Lion est hyper fidèle. Ouais, parce que souvent, ils te mettent les deux les mêmes plans. Du dessin animé et du film, comme ça. Bah, c'est dégueulasse. Moi, j'ai trouvé immonde. Ah ouais, bah, je te dis, je l'ai pas vu. Bah, franchement, le Simba, là, on dirait qu'il était à Tchernobyl, le machin. Mais non, il est trop chou. Il est dégueulasse. Il est trop chou. Moi, je trouve qu'ils sont pas d'avis. La bande-annonce, elle est copier-coller. Bah, le film. En même temps, c'est un remake, hein. Donc, oui. Oui, mais bon. Mais du coup, j'avais. Bah, sortez votre vieille VHS. Et ouais, le magnétoscope par la même occasion. Instant vieux con, tu sais. C'est ça. Mais du coup, un instant vieux con, j'avais vu une vanne sur les réseaux sociaux qui disant ok, bah maintenant, on va pouvoir traumatiser des milliers d'enfants en réel, en 3D et avec des poils. Ah oui, avec la vanne. Ah, il n'y a pas de raison que les enfants de 2019 ne soient pas traumatisés comme nous l'avons fait. Alors. Pour revenir sur sur la bande-annonce, y a quand même certaines bandes-annonces que je prends beaucoup de plaisir à regarder. Donc je repense un petit peu à ce que tu disais dans ta chronique, comme quoi certaines sont plus marquantes que d'autres. Et alors, ce que je vais faire va peut-être te faire dresser les cheveux sur la tête, mais je pense aux bandes-annonces des derniers Star Wars. Derniers Star Wars, pas des Star Wars Story, hein, vraiment des épisodes canoniques. Parce que, notamment l'épisode 7, alors je suis désolé, je vais un peu spoiler Star Wars 7, mais bon, je pense que j'ai le droit maintenant. Je l'ai pas vu, mais je m'en fous. Sérieux ? J'ai vu le 8 et pas le 7. Bon, alors, j'ai pas vu 7, je vais essayer de pas trop spoiler. Donc, pendant toute la bande-annonce, on nous fait croire qu'un personnage est le héros, et que c'est le Jedi du film. Et en fait, on se rend compte dans le film que ce n'est pas du tout lui. Mais la bande-annonce est tournée de façon, avec le montage et tout, de façon à ce que vraiment ça nous envoie totalement dans une fausse piste. Et il y a plusieurs éléments comme ça qui sont joués et utilisés dans toutes les bandes-annonces des nouveaux Star Wars. Et du coup, c'est un véritable jeu pour moi à chaque fois qu'il y a une bande-annonce de la regarder, d'essayer de démêler le vrai du faux, et c'est totalement un jeu de piste. Et à ce moment-là, tant pis si je me spoil, parce que je sais que de toute façon, je vais en manger plein les yeux dans le cinéma. Mon but, c'est d'essayer de remonter la piste. Et ça, je trouve que c'est malin, tu vois, comme utilisation. C'est clair. Ouais. Bah, elle fait partie, justement, quand j'ai fait mes recherches, des meilleures bandes annonces, les 10-20 meilleures. Et oui, c'était pour ça. Il y avait pas mal en fait, d'indices qui étaient dans cette bande annonce, l'indice de temps. L'indice de lieu, enfin, je sais que du coup, il y en avait qui se disaient ah ben on doit être sur telle planète, enfin tu vois, il y a des forums qui se sont créés juste à cause de cette bonne annonce là. Ah oui, mais tout le monde était fou, hein, tout le monde était mais fou. Mais je pense que c'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a la fanbase de Star Wars aime ça en fait, aime rechercher, aime se replonger dans l'univers, aime un peu le challenge et tout. Donc je pense qu'ils le créent exprès pour ça. Si tu prends un film lambda, ils pousseraient peut-être pas le délire aussi loin sur les bandes annonces, tu vois. Il y en a quelques-uns, je crois que, je suis pas sûr, mais je crois que la bande-annonce du film qu'on avait bien aimé là cet été, qui est tourné justement autour de la, autour des messages cachés là. Ah oui. Under the Silver Lake. Under, voilà, il me semble que la bande-annonce est un peu dans ce délire là. Je suis pas sûr. Je sais qu'elle me faisait un peu penser à un thriller, alors que l'affiche pas du tout. Ouais. Et du coup, j'étais très perturbée de la différence entre les deux. Alors du coup, d'ailleurs, petite question avant de boucler cette partie. Est-ce que vous pensez, justement, comme disait Nolou, que c'est de, finalement de plus en plus un spoiler de voir la bande-annonce avant? Moi, quand Nolou parlait de l'attente du plan, moi, je me suis rappelé du film Birdman, de Iñárritu, où en fait, dans la bande-annonce, tu as le dernier plan du film. Non, et du coup, j'étais hyper perturbée pendant tout le film. J'étais là, mais putain, mais je me souviens d'avoir vu Emma Stone comme ça, j'aime toujours pas. Mais c'était le putain de dernier plan. C'est vrai, je trouvais ça génial. Ouais, je te jure, je trouvais ça énorme. Parce que c'est fait exprès. Et du coup, voilà, t'as plein de trucs comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et en même temps, parfois, il y a des films, tous les films français, je trouve, où le film historique, t'es là, tu dis, en fait, j'ai vu toute l'histoire en deux minutes. Ouais, ouais. Moi, ça me fait beaucoup ça sur les bandes annonces de comédie ou de dessins animés. Ouais, tous les moments drôles ont été mis dans la bande annonce. C'est vrai. J'avoue qu'il y a pas mal de choses comme ça aussi. Moi, qui, En même temps, le ressort, l'argument de vente d'une comédie, c'est que ça va être drôle. Et du coup, vu que t'es dans ta bande annonce, t'es obligé de donner l'argument de vente. Bah, ouais, t'es embêté quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis déjà sortie d'un film en me disant, ouais, bah, il y avait tout dans la bande annonce quoi. Ou d'autres où justement, je me suis dit, ah bah tiens, là, ils ont bien géré, bah, j'ai découvert plein de trucs. Donc, Maintenant, ce qu'on a aussi notamment par Netflix, c'est les bandes annonces de séries. Ce que je trouve assez étrange. Enfin, moi, je pense par exemple récemment, j'ai commencé Sick Note avec Ronald Weasley. Rupert Grint. J'ai vu le pilote, j'ai beaucoup aimé le pilote. Et en fait, avant ça, j'ai vu la bande annonce, que tu sais, on était en train de chercher et tout. Oui, puis on se dit, ah, il y a Ronald Weasley. On se dit, faut quand même qu'on regarde ça. Et t'as du coup le bande annonce finalement sur Netflix. Et en fait, c'était juste un condensé de pilote en 3 minutes. D'accord. Et tu vois toutes les scènes importantes de pilote là-dedans, t'as tous les dénouements, tous les trucs. Et voilà, je trouvais que finalement, spoiler aussi, c'est encore plus con finalement de faire bande-annonce pour une série télévisée. Bah, surtout ouais, quand les épisodes sont courts, je sais pas combien de temps ils duraient. Oh, c'est 40 minutes, je crois. Ah oui, ouais, quand même. Mais c'est vrai que ouais, résumer 40 minutes en deux, c'est un peu dommage quoi. Après, comme dit, hein, c'est une fausse impression de se dire que les spoilers, c'est que récemment. Ça date, hein, comme je vous ai dit, je vous ai donné des exemples, mais vraiment, ça date. C'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a des bandes-annonces spoiler, vraiment. Oui, mais quand tu parlais de Seul au Monde, alors moi, j'avais jamais vu la bande-annonce de Seul au Monde. C'est vrai que quand tu me l'as dit, je me suis dit, putain, moi, je me serais pas autant inquiétée, en fait, si je l'avais su. Mais parce que pour moi, il repartait jamais de son île quand je l'ai vu. Parce que j'avais pas vu cette bande-annonce et personne ne m'avait spoilé, heureusement. Je trouve ça encore mieux. Mais c'est vrai que moi, pour moi, il repartirait pas de cette île. Et quand il repart, je me suis dit, oh, il est sauvé. Du coup, c'était ouf, tu vois, pour moi qu'ils s'en sortent. Mais c'est vrai que si j'avais vu la bande-annonce, je pense que ça aurait été moins fun. C'est un peu comme si on te mettait à Fun Gravity, quoi, dans la bande-annonce, quoi. Ouais. Ou qu'on te spoil Fight Club. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ce qu'on avait fait. Alors, en fait, à la fin... Moi, on avait spoilé Fight Club. Et du coup, j'avais hyper longtemps avant d'aller le voir. Et bah, figure-toi qu'il spoil Fight Club, je crois, dans Sick Note ou une autre série comme ça. En même temps, est-ce qu'on peut toujours parler de spoiler 15 ans ou peut-être même 20 après la sortie du film? Ah, mais ça fait chier! Du spoiler, là. Moi, on m'a spoilé Sixième Sens. Alors, ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et si je spoil la fin de l'Odyssée d'Ulysse, qu'est-ce qui se passe? Fight Club est un film culte. Tu vois, si les gens essayent de se refaire une culture cinématographique qu'ils n'ont pas, par exemple, en film culte, ils vont forcément vouloir aller voir Fight Club. Et du coup, si tu leur spoil, enfin personnellement. Oui, moi, mais c'est des choses qui sont tellement intégrées dans la culture populaire finalement. Ouais, est-ce qu'on peut toujours parler de spoil? Bah non, parce que c'est rare que tu dises ah bah oui, c'est comme le twist final de Fight Club. Et tu vois que tu sortes le truc. Je veux dire, c'est pas une phrase qui sort naturellement dans ta vie. Mm. Donc je veux dire, c'est généralement un spoil presque volontaire. Je suis pas hyper d'accord, mais c'est un autre. On s'éloigne beaucoup de la. On est plutôt dans sujet. Les bandes annonces. En tout cas, bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est que Tom Hanks va bien. Et qu'à la fin du Fight Club. Voilà! Bien! Coup, plus. Merci Nolou pour cette chronique en tout cas. De rien. Et nous allons finir cet épisode par Tristan et le jeu vidéo. Jeu vidéo, une chronique de Tristan. La lassitude des chercheurs de trésors. Je voudrais vous parler d'un événement majeur dans ma vie de jeune geek. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé le 9 mars 2010. Ce jour-là est sorti aux États-Unis et en Europe le jeu Final Fantasy XIII. Pourquoi cette sortie est un événement majeur? Eh bien, précisément parce que ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Reprenons depuis le début. En 2003, entre la sortie d'un Kingdom Hearts qui va marquer toute une génération de joueurs de JRPG et celle plus critiquée de Final Fantasy X-2, Square Enix annonçait le projet Fabula Nova Crystallis, qui n'était autre que le développement de Final Fantasy XIII. À l'époque, bien sûr, il n'était pas encore question d'un 13e opus, mais d'un titre phare dans la licence qui devait renouveler tout le mécanisme de base de la série. Depuis ce projet de départ jusqu'à la sortie réelle du jeu, 6 années se sont écoulées au Japon, 7 pour nous Européens. 6 années durant lesquelles nous avons eu droit à quantité de trailers, de teasing, de fuites d'images qui paraissaient absolument merveilleuses à l'époque d'un point de vue graphique. Et à 15 ans, bah, ces images, elles me rendaient fou. Parce qu'un jeu aussi, aussi beau visuellement et dans l'univers d'une série que je vénérais, le fait que ça puisse sortir, ça me paraissait incroyable. Ça me paraissait presque trop beau pour être vrai. Et en effet, ça l'était. En 2010, le jeu sort enfin en France, et toute la hype accumulée durant ces 6 longues années était retombée comme un ballon d'hélium crevé. Je passe ici sur les qualités ou absence de qualités réelles du jeu, c'est pas vraiment le sujet de la chronique, mais si je parle de ce non-événement, c'est parce qu'il est symptomatique de notre sujet du jour, de cette culture de la hype, ou en tout cas de ce que je ressens, moi, en tant que joueur, vis-à-vis de la plupart des sorties vidéoludiques actuelles. C'est toujours le même schéma. Curiosité éveillée par un teaser, hype croissante au fil des articles, envie féroce à la lecture d'un test, et puis plus rien. Au mieux, j'achète le jeu et j'y joue une heure ou deux. Au pire, je m'en désintéresse sans même passer par la case achat. C'est qu'il y a eu un autre jeu qui a éveillé mon intérêt entre-temps. Le désir est souverain, écrivait Spinoza. Il est l'essence même de l'homme. On l'idolâtre, on le fantasme, et lorsque l'objet de ce désir arrive à portée de main, il est naturel d'en choisir un autre. Et quel meilleur exemple pour illustrer les propos du philosophe que notre société d'ultra-consommation, régie par la toute-puissance de la publicité. Salons, influenceurs, dont on a peu parlé d'ailleurs durant cet épisode, bande-annonce, teaser, teaser de bande-annonce, version collector, version ultimate, version game of the year. Il existe tellement de moyens marketing de nous fourrer un jeu devant les yeux qu'on n'arrive même plus à tous les nommer. Nous sommes totalement submergés par un tsunami de moyens publicistes. Et c'est bien normal, il sort 400 jeux chaque jour sur la plateforme Steam, et seul un nombre très réduit d'entre eux ont la chance de se faire connaître. Comment le pourrait-il sans ce déluge d'informations? C'est que derrière chaque jeu, il y a des dizaines, voire des centaines de développeurs, de scénaristes, de graphistes, etc. etc. Et il faut bien les payer tous ces gens. Faire vivre un studio, être rentable aux yeux des actionnaires, bah, ça demande de l'argent, ça demande de la vente. Et pour faire vendre, bah, il faut se faire connaître. Alors on matraque sur tous les médias, sous toutes les formes, on achète des consommateurs. Au fond, le problème, il est bien connu. Il a même un nom, ça s'appelle la saturation du marché. Tout bêtement. Trop de sorties pour un nombre limité de joueurs, au porte-monnaie tout aussi limité. Forcément, quelque part, ça coince. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des bibliothèques entières de jeux jamais lancés, parfois même pas téléchargés. Alors je me suis demandé comment, dans ce contexte de saturation, les éditeurs parvenaient à tirer leur épingle du jeu. Comment parvient-on à hyper, à retenir l'attention, en 2018 alors que le temps de cerveau disponible des consommateurs est happé par des centaines de concurrents? Grosso modo, je vois trois façons de faire. 1. Se différencier. C'est ce que tente de faire le marché du jeu vidéo indépendant. Proposer des expériences fortes, novatrices, étonnantes. Ça a pu marcher sur des titres comme Life is Strange ou encore PlayerUnknown's Battleground et sa version Fortnite. Le problème de cette méthode, c'est qu'avec plusieurs milliers de jeux disponibles, bah, va falloir être foutrement original pour parvenir à sortir de la masse. C'est peut-être pas pour rien que Dotnode n'arrive pas à renouveler le miracle de Life is Strange 3 ans plus tard seulement. 2. Réduire ses sorties. Face à un marché surengorgé, réduire le nombre de titres pour permettre un éclairage plus fort peut être une stratégie payante. C'est en tout cas ce qu'on pense chez Rocksteady avec GTA V, qui est sorti 5 ans après l'épisode 4, ou Red Dead Redemption 2, qui est sorti 8 ans après le premier opus. Les équipes prennent le temps de faire bien les choses, et la critique est unanime pour saluer leur production. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas les épaules de Rocksteady pour assumer un tel choix, bah vous risquez de vous retrouver avec zéro thune pour financer le développement de votre prochain jeu. Ce qu'il faut les payer, hein, les équipes, pendant 8 ans. Autant vous dire qu'il s'agit de ne pas se planter à l'arrivée. 3. Augmenter ses sorties. Cette méthode est adoptée par de grands groupes comme Activision, Electronic Arts ou Ubisoft, donc avec des jeux comme FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed, Just Dance, un jeu chaque année. L'idée, c'est d'envahir le marché pour qu'on ne parle plus que de vous. C'est une méthode qui semble payer, vu la force de frappe des titres que je viens d'évoquer, mais qui a ses limites également. La qualité des jeux peut être impactée, ce qui peut décrédibiliser votre saga, et c'est également hors de portée des éditeurs indépendants. Donc, trois méthodes. Aucune ne semble parfaite. Décidément, le monde des bisounours est encore loin. Le résultat de tout cela, pour moi, c'est une grosse vague de lassitude. Alors, attention, Insta vieux con incoming. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où, lorsque je découvrais un bon titre, j'avais l'impression de trouver un trésor. Jouer à une pépite me laissait en émoi, transcendé par une expérience que je jugeais unique et essentielle. Quelque part, une partie de ce plaisir venait du fait que je n'avais pas énormément d'attentes, et aussi de l'impression de découvrir quelque chose de caché. Le syndrome du chercheur de trésors, pour faire le lien avec un autre épisode du podcast. Aujourd'hui, on me vante une nouvelle pépite vidéoludique tous les 4 matins. Je suis gavé de ces pépites comme une oie la veille de Noël. À force de vivre entouré de trésors, ne risquent-ils pas de perdre de leur valeur? Et si finalement, la solution n'était pas de vendre plus, mais de vendre mieux? Et si pour faire réguler ce marché devenu fou, il fallait être, attention, instant hippie, décroissant? Alors, plus sérieusement, une production plus limitée permettrait en effet une meilleure vision des sorties, et donc une meilleure fenêtre de tir pour chaque titre. Les éditeurs comme les consommateurs en seraient certainement gagnants. Le problème, c'est, est-ce qu'on a vraiment envie de réduire notre production? Car c'est le fait de créer beaucoup et rapidement qui a fait évoluer le jeu vidéo pour qu'il devienne ce que l'on connaît. S'il n'y avait pas eu cette production de masse, il n'y aurait sans doute pas eu le jeu vidéo indépendant, avec ses trésors d'inventivité. Il n'y aurait certainement pas eu Final Fantasy XIII avec ses graphismes à couper le souffle. Il n'y aurait pas un nouveau FIFA chaque année. Bon, ça ok, c'est peut-être pas si grave. Mais au-delà, faut-il demander à tous ces créateurs indépendants d'arrêter de créer? Genre quoi, on va leur dire arrêtez, vous produisez trop de jeux, vous m'étouffez, vous tuez le jeu vidéo? Doit-on limiter la création en nombre pour la rendre plus digeste? J'évoquais Spinoza plus haut. Le philosophe avançait que le désir, cette toute-puissance de vie, doit néanmoins être contrôlé par la raison. Le souci, c'est que autant je peux concevoir ça quand je suis en train de baver devant une chocolatine le dimanche matin et que j'ai mon portefeuille vide et ma raison me dit « non, n'achète pas cette chocolatine », autant j'ai du mal à imaginer ça à l'échelle d'une société tout entière qui produit du désir pour mieux noyer la raison. Bien, merci Christian pour cette chronique. J'ai dit Christian ou c'est oui, moi? Oui, tu as dit Christian, mais je serai Christian à partir c'est de... C'est le coup de la chocolatine, t'as choqué tout le monde. Il a perdu tout le français de tout le monde. Là, tous nos Alsaciens, ils nous ont quittés. Je viens de faire un petit troll à la moitié de la France d'un coup. Ah non, mais plus de la moitié. Ah oui, clairement, là t'as perdu tout le monde à ce niveau-là. Hein. C'est pour ça que c'était sur la fin de la chronique. Si on n'a plus c'est d'auditeurs, c'est à cause de toi. Exactement. Très bien. Donc merci Tristan. Donc merci Tristan pour cette chronique. Tristan, est-ce que vous sentez aussi comme Tristan cette lassitude finalement qui est due à cette surabondance de produits culturels, le fait qu'il y a juste trop en fait, et est-ce que ça n'a pas justement tendance à vous dire j'arrive pas, il y a tellement de trucs, j'arrive pas. J'ai lu récemment justement ça sur des gens qui parlaient de l'époque de la peak TV, dans le sens où pour le coup de la télévision, où il y a tellement de séries qu'on sait même plus quoi regarder. Et ça nous fait juste chier. Donc dans le jeu vidéo, est-ce que vous ressentez ça, vous aussi? Moi, côté jeu vidéo, j'avoue, comme d'habitude, vu que je ne suis pas gameuse, j'ai très peu d'avis là-dessus. On peut partir sur tous les autres produits culturels. Hein. Mais c'est vrai que du coup, moi, je vois que quelques titres. Tu vois, je suis pas noyée dans la masse, parce que vu que je suis pas demandeuse de genre d'informations, je vois que les gros titres, tu vois, le Red Dead Redemption, avec mon accent et ma voix, ça va être ça. Celui-là, j'en ai entendu parler, tu vois, enfin, les Just Dance, les FIFA, forcément, tous les ans, personne n'y échappe. Il y a le nouveau Pokémon qui est sorti, tu vois, donc ceux-là, je les vois. Mais c'est vrai que par exemple, tout le reste, moi personnellement, vu que je ne suis pas demandeuse de genre d'informations, je ne les vois pas. Donc c'est vrai que moi, je ne me sens pas noyée dedans, mais c'est vrai que vu que je ne joue pas, de toute façon, ça ne sert à rien de me noyer d'informations, parce que ils n'auraient pas de joueurs de toute façon, du coup, avec que moi. Le matraquage fonctionne pour toucher les personnes qui sont un peu éloignées du jeu vidéo finalement, parce que toi qui es un peu éloigné, arrive à entendre c'est parler. Okay. Après, c'est vrai que je ne vois que les gros titres. Donc c'est vrai que par exemple, un studio indépendant, je ne le verrais pas. Par exemple, Life is Strange, si je vous connaissais pas, j'en aurais jamais entendu parler, je pense. Je trouve, moi, que ces 3-4 dernières années, il y a moins de... publicité, je dirais, autour du jeu vidéo, du moins moins de jeux vidéo qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je trouve que l'âge d'or du jeu vidéo, en tout cas, est beaucoup moins marqué ces trois, quatre dernières années. Au niveau des consoles, on a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu vidéo en lui-même, moi j'ai l'impression que ça se stagne un peu. En tout cas, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés qui m'a donné envie de les acheter, de les voir. Alors que je me souviens que quand j'étais lycéenne, j'avais envie de tout acheter. Et il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux vidéo qui sortaient, de nouveaux jeux Lara Croft, par exemple, tous les ans. Je trouve qu'on n'est plus trop dans cette période, justement, de surenchère du jeu vidéo, comme tu le décris, Tristan. Mais après, peut-être que je m'en suis éloignée et que c'est moi qui ne vois moins ces choses-là. Et peut-être aussi qu'ils ne visent plus mon public, enfin, ils ne visent plus ma tranche d'âge. C'est con, mais à mon avis, ils visent plutôt les enfants de 10-12 ans. Enfin, après, je dis ça, hein, mais peut-être que je me trompe. Papa, maman auront le porte-monnaie pour acheter le jeu vidéo, donc du coup, est-ce que c'est pas eux les cibles aujourd'hui et plus moi du coup? J'ajouterais que moi j'ai l'impression qu'effectivement, les jeux dont on ne plus parler vraiment sur le tombeau, c'est des dingueries, ce sont finalement des jeux déjà établis. Je pense au dernier Zelda, bien sûr, je pense à Red Dead Redemption 2, vu forcément c'est voilà, et je suis en train de réfléchir, et je ne sais pas. Quel jeu aurait pu créer la hype au cours de ces 1 ou 2 années qui ne soient pas déjà connus? Fortnite. Voilà. Fortnite. Ouais, mais celui-là, il avait la cible un petit peu très très jeune. Oui, c'était enfin, ce que j'allais dire. Ah oui, ouais. Bah, Fortnite ou PlayerUnknown's Battlegrounds qui a l'origine de Fortnite, en fait, qui a été le premier jeu de tir en mode Battle Royale. En fait, il a eu un succès tellement monstrueux d'un coup, et qui est un environnement un peu plus adulte, qu'il s'est fait copier de partout. Tous les jeux qui sortent intègrent un mode Battle Royale, parce que ce jeu a eu un succès monstrueux. Et Fortnite a trouvé la recette miracle qui fait que tout le monde en entend parler, et à tel point que vous avez entendu parler de Fortnite et pas de son origine. Oui. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que la cible Fortnite, ouais, c'est les 10-15 ans, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas, moi, les gens qui m'en ont parlé, c'était des... Enfin, moi, j'ai envie de dire des enfants, mais parce que du coup, j'ai plus de 10 ans de plus qu'eux. Mais ouais, c'était des 10-15 ans, quoi. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que les enfants et adolescents sont particulièrement sensibles au matraquage. Parce qu'ils ont peut-être moins de recul, moins d'esprit critique par rapport à ça. Donc du coup, forcément, ils vont plus en entendre parler. Il y a trois choses. La deuxième, c'est que il y a le rôle des influenceurs. Les ados suivent beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et Fortnite, c'est un des exemples de façon de faire de la hype, de faire de la publicité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un produit qui se vend via les influenceurs. Il y a des milliers de vidéos Fortnite qui tournent sur YouTube et les gamins adorent regarder ces vidéos-là. Et du coup, forcément, ils entendent plus parler que... Ils entendent même peut-être plus parler que FIFA parce qu'il n'y a pas tellement... C'est pas si intéressant que ça de faire des vidéos YouTube de FIFA. Maintenant, sur la cible du jeu vidéo, aujourd'hui, les gens qui achètent du jeu vidéo, ils ont plus de 18 ans, en fait. Donc, dans la cible principale des éditeurs, c'est quand même pas les enfants. D'ailleurs, si on regarde les sorties des jeux, la plupart sont en PEGI 18. Il y a très peu de jeux... qui n'est pas... Non, mais bien sûr, c'est pas respecté, mais je veux dire, il y a quand même très peu de jeux qui sortent pour un public familial, à part sur Nintendo, Mario, Zelda, etc. La plupart des jeux qui sortent, on est dans un univers un peu plus mature. Et puis, voilà, moi, je pense qu'il y a 10 ans... si j'avais montré à mes parents Fortnite, ils m'auraient dit non, tu joues pas, c'est pour les adultes, alors qu'en fait voilà, aujourd'hui on a aussi un seuil de tolérance qui a changé par rapport à ça. Ouais, mais pour en revenir du coup sur les influenceurs, donc étant productrice et consommatrice de contenu, c'est vrai que même moi, et pourtant c'est pas la cible parce que je ne regarde rien qui touche le jeu vidéo, j'ai été touchée par la vague Fortnite, c'est-à-dire que dans mon écran d'accueil il y avait plusieurs vidéos Fortnite. Ouais, donc, concrètement, ce n'est absolument pas ce que je regarde. Mais les joueurs de foot faisaient les danses Fortnite aussi. Oui, donc, mais c'est tu vois, ça a été une vraie vague de société en fait. Je veux dire, même sur Instagram, il suffisait de taper sur la petite loupe et là, tu as tous les trucs qui sont théoriquement en rapport avec ce que tu as liké avant. J'en avais aussi. Et pourtant, ce n'est pas du tout un truc que je recherchais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un matraquage, mais à tous les niveaux. Petite info d'ailleurs sur les danses Fortnite. En fait, justement, il y a une sorte de polémique. Parce que c'est des trucs qui ont été un peu volés, finalement, des danseurs afro-américains, sans payer de droits, sans reconnaître, et du coup, se font la thune dessus, parce que ces danses, pour personnaliser ce format, tu les achètes. Et finalement, ce n'est pas du tout crédité, c'est pas du tout de la thune à ceux qui ont vraiment inventé ces danses, en fait. Ça m'étonne même plus. Voilà, donc comment on se fait tranquillement du pognon sur le dos des autres. Donc vous pouvez regarder, il y a un article qui est paru là-dessus, dans je sais plus quel média, je mettrai le lien. Enfin, c'est quoi, c'est des danses traditionnelles ou c'est... Non, c'est des danses plutôt de, c'est plutôt de la pop culture. D'accord. Par exemple, il y a une danse dans la série Scrubs. Ah, ok. Par le personnage de Turk, qui était fait par l'acteur Donald Faison. En fait, il balance un peu ses bras. Enfin, je ne saurais le refaire. D'accord. Mais en tout cas, c'est dans Fortnite et en fait, il n'est pas du tout crédité pour ça. Alors que c'est lui qui a inventé cette danse, par exemple. Mais il y a plusieurs cas comme ça, en fait. Ok. Ce qui n'est pas extrêmement cool. Mais voilà, pour revenir un petit peu à nos moutons, effectivement, voilà, et ce qui ressort aussi à la chronique, et ce qui était aussi le cas dans celle de nos loups, c'était avec le fait, finalement, de survendre tellement les choses qu'on sait plus, qu'on s'émerveille plus, en fait. Genre Zelda, je trouve ça beau, et je sais pas si c'est autant ce qu'on m'avait promis, au final. Par exemple, je sais pas ce que vous en pensez. Pour Zelda, je vais pas avoir d'avis. Oui. Parce que Mais tu peux, encore une fois, tu peux partir sur d'autres produits culturels. Parce que là, je suis parti de jeux vidéo pour. Ah, pardon. Non, mais juste. Moi, je suis parti sur jeux vidéo, mais ce que j'ai écrit, oui, je pense vraiment pour tous les milieux. C'est-à-dire, on me vend tellement de. Tiens, tu vois, ça va être génial, c'est le film de l'année, tout ça. Qu'au final, je suis devant et systématiquement, je suis un peu. Bon, ok. Non, mais moi, je voulais vous avouer que je n'ai jamais de ma vie joué à un Zelda. Ouf. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous êtes tous au courant. Ouais, c'est chaud. De toute façon, je suis une mauvaise geek. On a remarqué ça depuis le début. Ça fait 10 fois que je vous le dis. Je pense que maintenant, vous le savez. Mais c'est vrai, dans le sens qu'on te survend les choses. Alors moi, du coup, bah, je le vois un peu plus du côté littéraire. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis très influencée par tout ce qui est booktubeuse, principalement booktubeuse, comme tu le disais. Et c'est vrai que des fois, sur plein de vidéos, tu vois le même livre. Et là, tu te dis, ok, tout le monde l'a kiffé, je vais l'acheter. Et après, des fois, tu le lis et tu te dis, ah... Et ben je vois pas pourquoi. C'est et ça. Du coup t'es déçu, enfin tu te dis, t'as l'impression que c'est, enfin à force de les regarder toutes les semaines, t'as l'impression que c'est des amis à toi. Alors c'est totalement faux, ils ne me connaissent pas et je ne les connais pas réellement, mais c'est vrai que tu te dis ok, ouais, enfin j'ai lu plusieurs livres qu'ils ont lus et puis on a le même goût là-dessus, donc forcément ça va me plaire. Et après tu te retrouves avec un objet que tu as acheté en plus, que t'en as entendu beaucoup parler, et en fait ça ne te plaît pas. Et du coup je comprends un peu cette idée de retomber en disant ouais. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus frileuse, j'avoue, à acheter quelque chose, même sur ses recommandations. Mmh. Je vais peut-être chercher plus loin pour vérifier si vraiment il y a des chances que ça me plaise, en fait. Alors, on parlait des influenceurs. moi, du coup, je pensais un peu aux vidéos des Let's Play, où c'est des gens qui se filment en train de jouer à un jeu, finalement, qui portent plusieurs biais. D'un côté, il y a un côté plutôt intéressant, parce que tu vois concrètement le mécanisme et le gameplay du jeu, donc ce qui peut te permettre de faire une première idée. Avant d'y jouer. Après, il y a le côté où, par contre, pour les jeux narratifs, ça nique complètement pour les éditeurs. Enfin, je pense à des jeux comme Normal Lost Phone ou Emily's Away, qui ont eu des vidéos par le joueur du grenier pour Emily's Away, je crois. Et Normal Lost Phone, c'était par Squeezie. Moi, c'est possible. Le studio se dit, c'est sympa, mais t'es en train de niquer tout notre jeu, du coup, parce qu'on voit toute l'histoire, donc les gens vont pas l'acheter. Et du coup, c'est un peu compliqué pour certains types de jeux, finalement, de faire des let's play, parce que d'un côté, tu te fais découvrir, et d'un autre, en fait, ça va te bousiller toutes les surprises du jeu. Alors, en même temps, aujourd'hui, si tu fais un jeu vidéo, tu sais qu'il va être... et t'as tout intérêt à ce qu'il soit joué sur Twitch, sur YouTube, etc., et qu'on en parle. Donc forcément, si ton jeu marche, il y a quelqu'un qui va en faire un let's play, et du coup, si c'est un jeu narratif, qui va dévoiler un petit peu ce qui se passe. Donc... Mais tu vas pas t'en plaindre, en fait. Enfin, ça te fait de la pub gratuite. qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, mais par contre, du coup, tu vas avoir des jeux qui jouent là-dessus en disant, bah, attention, chaque joueur va avoir une histoire un petit peu différente. Et c'est oui. un peu ce qu'a pu faire Telltales, paix à leur âme d'ailleurs, parce que le studio est mort, ou Dontnod avec Life is Strange. Oui, il y a d'ailleurs des jeux qui vont autoriser, même encourager à faire des let's play, comme je crois This War of Mine, qui est aussi une passion récurrente de tous les podcasts. Mmh. Parce que comme l'histoire est différente selon les joueurs, en fait, ils encouragent finalement à se faire un aspect dessus parce que tu n'auras pas la même histoire ni la même expérience que les autres joueurs. Donc, c'est pas grave. Tu racontes même ta propre histoire avec ça. Dans la même idée, j'ai fait un jeu narratif sur téléphone après être tombée sur plusieurs vidéos comme ça. Alors, je suis tombée sur une vidéo de Squeezie et puis c'était des trucs où il fallait pas se faire friendzoner par la personne. Mmh. Et j'ai fini par tomber sur une vidéo de Amixem, donc de la Redbox, qui, mais il y a plusieurs années, hein, sur un jeu mobile qui s'appelait Friendzone, où ton but dans la vie, c'était de ne pas te faire friendzoner par personne. Et ça tournait au thriller. Et du coup, j'étais là genre, attends, comment ça? La meuf vient de se faire enlever. T'étais en train de parler avec elle sur une sorte de messenger. Et en fait, elle se fait enlever. Et du coup, après, il y a ses parents qui viennent te parler et tout. Et alors, il s'est passé un truc dedans. Et j'étais là genre, mais moi, je veux tenter ce truc. Et du coup, je les ai toutes téléchargées. Merci. Parce que du coup, maintenant, il y en a trois. C'est ça, mais moi, j'étais là genre, comment ça, elle s'est enlevée? Je croyais que c'était un jeu de friendzone. C'est genre, mais elle est où? Donc forcément, j'étais hyper hypée par le truc, donc je les ai tous téléchargés, et j'ai passé toute une après-midi à éduquer dessus, et je suis pas arrivée aux mêmes scènes que lui. Parce que j'ai pas totalement répondu les mêmes choses, ou des fois, tu sais, genre, lui, il fait une vanne, et tu te dis, bah non, c'est débile dans la situation, parce que lui, forcément, il veut faire une vidéo, non, moi, je réponds ça, et tout. Puis ouais, j'arrive aussi forcément au fait où elle se fait kidnapper, parce que c'est un point clé, et du coup, après, j'ai continué à y jouer, parce qu'il y a trois volets, alors il y en a un quatrième qui doit sortir. Mais j'étais à fond dessus, par contre. Mais vraiment, j'ai passé une après-midi, quand je vous dis, des fois, quand je geek, moi je geek d'un coup, tu vois. Mais j'ai passé une après-midi dessus, ça s'est fini, j'étais là genre, il est où le 4? Donnez-moi le tout de suite, en fait. Et vraiment, c'était hyper intriguant. Donc dans l'idée, ça peut, mais il faut qu'il y ait un autre élément. Si ça avait été juste un truc genre, ah bah ouais, c'est bon, tu t'es fait friendzoner, ça m'aurait pas intéressé, j'aurais pas téléchargé. Oui, mais je pensais que c'était vraiment ça, pour le coup. Du coup, ça m'intéresse, parce que j'étais pas sûr que c'était jeu à la con, friendzone, ouais. Ah non, mais okay. Ça s'appelle vraiment friendzone, je te me dit un truc, après. Ouais. Alors, par rapport au fait qu'à force de voir des vidéos, des let's play par exemple, on peut carrément même plus avoir envie de jouer au jeu. Moi, je connais pas mal de personnes qui se contentent des let's play. Mmh. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun intérêt à acheter le jeu, elles n'ont pas du tout envie de jouer, mais par contre, elles se régalent à regarder les gens y jouer. Alors, pour moi, ça, c'est de l'incompréhension totale, parce que je me suis toujours emmerdé comme un rat mort à regarder des gens jouer. Pareil. Mais après, je comprends que ça plaise à d'autres personnes, mais moi, ça marche pas chez moi. Mais par contre, ce que je ressens un petit peu en adéquation, c'est effectivement, à force de voir tellement d'images et d'images du jeu, bah, un peu finalement comme ce que tu disais, Noulou, avec le cinéma, bah, quand je suis devant le jeu, j'ai la possibilité de l'acheter, d'y jouer, plus envie, quoi. C'est totalement détruit. Moi, j'aime bien regarder les gens jouer. Alors, je les regarde pas sur YouTube, mais je pense que si j'avais été plus jeune, ça m'aurait intéressé, je pense. Parce que, ouais, moi, dans la vraie vie, en tout cas, j'aime bien voir les gens jouer parce que je trouve qu'il y a une espèce de fascination qui se crée pour le joueur. Genre, waouh, il a réussi à faire ça. Et en fait, c'est un peu comme une histoire que je suis, tu vois. Genre, je suis spectatrice de ce qui se passe. Et j'ai rien besoin de faire, mais du coup je vois aussi les enjeux, j'observe les gens, je suis spectatrice de l'histoire et de ce qui est en train de se passer derrière l'histoire, dans les coulisses, et du coup j'ai l'impression d'être un peu une petite souris qui observe une scène, et on oublie presque ma présence, et en fait cet état-là est reposant pour moi, c'est vrai. Et, on oublie presque ta présence. Bah dans le sens où ils sont concentrés dans le jeu. Ah mais quand tu es avec des gens qui jouent en fait. Voilà. D'accord, je voyais quand tu étais sur YouTube. Donc. Depuis toute petite, je suis joueuse, mais depuis toute petite, j'aime aussi beaucoup regarder les autres jouer. Okay. Je peux passer des heures à regarder quelqu'un jouer. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir fait le jeu. Ça c'est clair. Il y a des jeux auxquels je n'ai jamais joué, mais j'ai tellement regardé les personnes jouer que j'ai l'impression d'avoir joué. D'accord. Moi j'ai un avis un peu similaire et un peu différent, c'est-à-dire que regarder quelqu'un jouer sans rien faire, ça va assez vite m'ennuyer, parce que du coup, il n'y a pas d'enjeu derrière. Mais c'est vrai que travailler en binôme, je l'ai fait à un moment sur Prince of Persia, à l'époque encore, quand c'était sur Play 1 ou 2, je crois, je sais plus, et en fait, j'étais un peu le cerveau, et mon ami était vraiment genre le physique. Donc moi je regardais le truc, je lui disais « Ah, faut que t'ailles là, faut que tu fasses ça, machin et tout », et elle le faisait. Et du coup, parce que j'avais pas la dextérité nécessaire, enfin, c'est aussi pour ça que je suis pas gameuse, genre, Au bout d'un moment, quand ta caméra elle regarde le mur et que t'essayes d'avancer tout droit, tu sais qu'il y a un souci. mais elle avait cette dextérité et puis elle savait manier le truc, tu sais, faire le double saut, tout ça. Et moi, j'étais vraiment dans l'observation et dans la résolution des casse-têtes. Mm. Parce que dans Prince of Persia, il fallait sauter sur différents trucs, mettre en place des choses pour passer les étapes et tout. Et moi, j'adore ça, en fait. C'est un peu passif-actif parce que ce n'est pas moi qui joue, mais j'aide quand même le joueur. Donc moi, c'est vrai que ça, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Je l'avais revécu dans un total autre type avec les lapins crétins, avec ma sœur, où ma sœur, c'était En avant vers la lune, ou quelque chose comme ça, ou Mission Lune. Et le but, en fait, c'était de faire une pile d'ordures qui arrivait jusqu'à la lune, et il y avait une personne qui dirigeait le caddie, et l'autre qui criait ou qui tapait sur les objectifs. Et je vous le donne en mille, j'étais la personne qui tapait sur les objectifs, quoi. Donc c'est vrai que je suis plutôt dans le côté réflexion, aide au joueur principal, en fait. Ok. Alors également, Tristan, dans ta chronique, donc, tu as parlé un petit peu de la surabondance des jeux, comme on l'a déjà dit, et suggéré cette possibilité de réguler plus. Tu as notamment parlé de Steam, donc Steam où, donc, comme on disait, 400 jeux sortent par jour sur Steam, parce que Steam ne régule pas, il n'y a pas sélection, c'est un super marché de jeux. Certaines plateformes commencent justement à réguler ce qui arrive, pour mieux traiter les choses. Voilà, par exemple sur la Switch, il y a quand même une certaine sélection de jeux. Et finalement, une part intéressante laissée aux jeux indépendants sur la Switch, par ailleurs en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait justement faire un petit peu plus de régulation? Ou est-ce qu'il faudrait que Steam, par exemple, reste ce grand supermarché où tout le monde peut poser son jeu et tout le monde peut jouer aux jeux de bidule? Moi, j'aime bien ce côté assez communautaire où tu peux tout trouver. Et du coup, il y a des jeux auxquels j'ai joué étant petite, que je peux retrouver sur Steam, par exemple. Mm-hmm. Et j'aime bien ce côté un peu nostalgique et ce côté un peu fourre-tout, justement. J'ai l'impression que des fois, même dans Steam, tellement il y a de jeux et tellement il y a de choses, j'ai l'impression d'être un peu dans dans un magasin de jeux vidéo assez vieillot, poussiéreux, des fois. Enfin, tu vois, t'es obligé de chercher pour trouver, tu vois. Mm-hmm. Et cet esprit-là, je l'aime bien. C'est vrai qu'il y a des choses plutôt intéressantes, effectivement, le fait de chercher pour trouver, de trouver un petit peu ton truc parmi cette jungle. Après, ce qui est embêtant, c'est que Steam, il y a quelques années, je crois, un an ou deux, a mis en place ce truc où si tu as joué un jeu moins de 2 heures, tu peux te faire rembourser. Ce qui est très emmerdant pour les petits jeux narratifs qui font une récolte, sur, je sais pas, une vente à 2 euros, allez. Mais c'est toujours 2 euros, et le problème, c'est que si tu oublies ça, ça veut dire que il n'y a plus d'économie pour les petits jeux narratifs, du moins pas sur Steam. C'est un petit peu embêtant. Merde, ouais. Après, moi, ce côté un peu caverne au trésor que tu aimes bien, Nolou, justement, moi, je le ressentais plus avant, finalement, quand j'avais pas l'impression d'être débordé par la production. Il y a tellement de trucs qui sortent, et tous les jours, des trucs qui ont l'air bien. En fait, c'est pas juste qu'il y a plein de trucs qui sortent, c'est que tous les jours, on me dit, cette semaine, il y a 5 jeux vidéo qui sortent qui ont l'air formidables. Et au bout d'un moment, si tout a l'air formidable, est-ce qu'il reste encore quelque chose de formidable? Mais c'est normal qu'ils essayent de vendre leur jeu. Ils vont pas te dire, on en a sorti un, il nous a coûté très cher, mais il est moyen. D'où la question, justement, d'où cette question-là. Est-ce que finalement, il faudrait pas arrêter de créer, ou créer moins, pour ne sortir que plus rarement des choses, et du coup se brider notre envie de créer plein de choses tout le temps, pour avoir une publication plus limitée. Et cette question, on peut aussi la poser sur la littérature, par exemple, où on disait que le marché était débordé de bouquins, on a tous envie d'écrire des livres, on a été 3 sur 4 à participer au Nanorimo cette année, par exemple, et au final, est-ce qu'il faudrait pas juste qu'à un moment on se calme, on se dise, non mais ok, j'ai peut-être pas des choses à raconter, et se concentrer sur un nombre plus réduit de production. Est-ce qu'on est capable seulement de faire ça? Après, en tout cas, je sais que dans le domaine de la littérature, il y a déjà un gros tri qui est fait entre tous ceux qui écrivent et tous ceux qui sont publiés. Déjà là, je veux dire, généralement, c'est 1 à 2% des manuscrits qui sont publiés que reçoivent un éditeur. Donc, tu te dis qu'il y a déjà 98-99% qui ne sont pas passés. Donc, et pourtant, ça fait quand même 700 bouquins en un mois. Là, c'était pour 2007, mais ça fait 550 à peu près, donc ça fait déjà énormément, mais c'est vrai que c'est quand même très peu de ce qui est produit réellement. Donc, après, le jeu vidéo, je sais pas si... je pense que c'est plutôt des studios qui créent, Ouais, mais enfin, on est dans, dans le même problème de sur... Ah oui. De... Et après, je me dis, est-ce que ça va pas créer aussi une frustration de la part des créateurs ? Je veux dire, parce que quand t'es auteur, par exemple, tu vois, enfin, c'est pas toi qui va vendre ton livre, c'est pas toi qui va le mettre, c'est pas toi qui va décider quand est-ce qu'il sort exactement. Donc c'est vrai que toi, tu as, on va dire, entre guillemets, juste produit l'œuvre, et après, c'est vrai que tu le confies à quelqu'un qui va s'en occuper, si ça fonctionne. Mais cette personne-là va en publier 10 000 en même temps. Donc là, c'est peut-être aussi avoir côté édition, donc autant jeux vidéo, livres, musique, tout ça, à voir quels sont leurs standards à eux. Alors, je ne suis pas du tout d'accord pour limiter la production et la production artistique, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes d'ailleurs dans le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne développent pas leur côté artistique ou même qui l'ignorent complètement. Et du coup, c'est un peu dire, ben, vous pouvez un peu oublier tout ça, c'est pas grave, ça sert à rien, parce que à chaque fois qu'on produit quelque chose, on espère qu'il sera vu. On prend pas de photos pour que ça reste dans ton ordinateur. En tout cas, c'est con de faire ça. Et c'est pareil pour tous les autres médias. Et je pense qu'effectivement, ça doit être sorti. Par contre, au niveau de la publicité, au niveau du marketing, moi, ce que j'aimerais bien que ce soit, c'est que ce soit plus lissé. C'est-à-dire que il n'y ait pas du favoritisme par rapport à tel ou tel livre ou auteur ou voilà. Enfin, parce que, enfin, là, je parle des livres, mais oui, ça peut être autre chose. Oui, réalisateur ou. Parce que là, clairement, si t'as les moyens, tu es plus publicité et donc tu seras plus mis sur le devant de la scène. Et moi, ce que dans un monde idéaliste, j'aimerais que tout soit lissé et qu'on ait tous le droit à la même publicité. Et du coup, aucun moyen de savoir entre deux jeux qui ont les mêmes mécanismes, même un univers parfois un peu similaire, de savoir lequel a l'air d'être le plus intéressant d'un point de vue de qualité. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui seraient créées, des adaptations. Peut-être qu'on pourrait tester le jeu pendant 10 secondes. Pas 10 secondes, c'est très court. Le principe des démos. Pendant, peut-être. Ouais, 5 minutes, 10 minutes. Et puis après, tu vois si tu l'achètes ou pas. Très bien. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Donc, un petit peu, voilà, faut-il réguler, faut-il pas ? Qu'est-ce que tout le monde peut créer ? Est-ce que tout le monde ne peut pas ? Voilà, et comme disait Tristan, si tout est merveilleux, y a-t-il encore quelque chose de merveilleux ? J'aime beaucoup cette phrase. Ouais, c'est très beau, merci Tristan. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour finalement des sujets qu'on avait un petit peu à soulever avec cette question de la culture de la hype. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir un petit peu. Est-ce que vous regardez des bandes annonces ? Est-ce que vous achetez des livres à la rentrée littéraire ? Est-ce que vous aussi surfeuillez sur un buzz ? Voilà, plein de choses. Est-ce que vous aussi vous sentez étouffé par cette accumulation de jeux et de productions culturelles finalement ? Ce côté où tout le monde a son quart d'heure de célébrité, comme disait Andy Warhol. Voilà un petit peu les différentes thématiques qu'on a souhaité soulever, en tout cas pour vous, dans ce dixième numéro du podcast. Et nous allons passer ensuite à une seconde partie, donc plus détente, comme vous le savez très bien. Et avant ça, on va faire une pause musicale, où je vais vous parler d'un groupe que j'ai récemment vu en concert à Paris, qui est très très chouette. S'appelle As It Is, qui est un groupe anglais de pop-punk emo. Donc, a sorti un album qui est dans mon top 10 2018, qui s'appelle The Great Depression. Donc, comme le nom l'indique, c'est un album très sympa où on parle de dépression et de choses extrêmement joyeuses. Voilà. Et je vous propose d'écouter le morceau The Stigma, Boys Don't Cry. Donc, peut-être un petit clin d'œil à The Cure. Mais en tout cas, c'est sûr que ça parle un petit peu de l'injonction à la masculinité et du fait qu'on dise que les hommes ne pleurent pas et doivent rester forts. Voilà, Boys Don't Cry, un petit peu de tout ça, on s'écoute ça tout de suite. I see a pain behind your eyes. Feel it every day. It's like a light that slowly dies. But it's better not to say. It's better not to say such things out loud. Just close your eyes and bite your tongue for now. Don't let them see you fall. Stay strong. Hold on, you got gotta keep it together now. Just dry your eyes, 'cause boys don't cry. No, no, boys don't cry. Pour la partie plus détente du podcast, où donc nous allons accueillir Capitaine Flams, alias Nolou. C'est moi. Pour nous donner un petit peu les bons plans de l'Alsacie. De l'Alsacie. Oui, j'aime bien. Laissez-moi tranquille. Une sortie pas chère, un resto, un bar, un événement. Pour la sortie pas chère, je vous propose le Planétarium, qui se trouve à 13 rue de l'Observatoire. Alors, pour vous dire, je n'y ai pas encore mis les pieds, mais il paraît qu'il est très bien. Et qu'il a été refait en plus récemment, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et je pense qu'il vaut vraiment le coup. Au niveau du restaurant, je vous conseille Madame Julia. J'y étais il y a peu. C'est 34 rue de la Première Armée. À Madame Julia, en fait, vous pourrez trouver des recettes complètement végétariennes, déjà. Pas que, hein, bien sûr, mais vous pouvez en trouver. Et c'est surtout un assortiment de légumes, tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très sympa. Et la déco est très cosy. Il y a une espèce de vieux piano, des cadres un peu partout. C'est très ambiance rétro-cosy. Et vraiment, on y est très, très bien. Et ils font des gâteaux. Cool, que vous pouvez aller voir, et ils changent très souvent leur carte. C'est vraiment, vraiment très sympa, et en plus on peut voir tout ce qui se passe dans la cuisine, c'est rigolo. On peut les entendre dire « Il y a bientôt plus de saumon !» Et t'es là « Vite, vite, vite !» Comme le saumon, chéri. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Ok. Alors, au niveau du bar, avec Tristan, Tristan m'a amené, il m'a dit « Tu vas voir, c'est une surprise !» je l'ai suivi dans les ruelles de Strasbourg, un peu sombre parce que justement il fait nuit très tôt maintenant à Strasbourg, et on est arrivé devant un bâtiment, devant une porte, et il m'a dit, Nolwenn dit, je viens vendre un cerveau pour l'agent EP. Quoi? Il m'a dit, l'interphone. Il m'a dit, Nolwenn, tu sonnes, tu dis ça. Ok. Monsieur, alors il me l'avait dit de me répéter ça dans ma tête 5 minutes avant. Donc avant je faisais l'andouille, je disais je viens manger le cerveau de l'agent EP. Il me dit mais non, arrête. Bref, et puis au bout d'un moment on sonne, je dis cette phrase et il me dit très bien, entrez, la personne dans la voix. Je fais ok. c'est bon. Alors, on monte les escaliers et je dis à Tristan, Tristan, j'ai pas de cerveau, comment on va faire? Et t'as le gars qui ouvre la porte et qui fait, c'est pas grave, mademoiselle, je vous prends quand même. Je, ok, d'accord. Et puis, il nous dit, oui, vous allez devoir quand même patienter quelques minutes. Ok. Donc, on patiente dans une salle avec plein d'horloges. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis, on passe un couloir très, très sombre avec juste des lumières phosphorescentes. Donc, un peu bizarroïde. Et on nous dit d'ailleurs que quand on va passer dans ce couloir, il y a une espèce d'espace-temps, de portail dimensionnel qu'on traverse en passant ce couloir et qu'on arrive dans une zone un peu spéciale et que du coup, il faut faire pipi avant et tout. Enfin, bref. Ah ouais, non, mais je suis hypée de ouf, là, du coup. Et du coup, on arrive dans ce lieu hyper sympa, complètement steampunk, et où il y a des tas de jeux de société, de colonnes entières, avec un mec qui est à ta disposition et qui t'explique tous les jeux de société qu'il a. Et t'as l'espèce de forfait, justement, où tu prends donc, une consommation plus un jeu de société à 5 euros. Enfin bref, c'est vraiment sympa, l'ambiance est bonne, le mec est hyper sympa. Et justement, tu peux vraiment lui dire, nous on lui a dit, on cherche un jeu de coopération à deux plutôt parce qu'on en connaît peu. Donc il a dit, ok, vous êtes plutôt connaisseur, je vous conseille ça, ça. Enfin vraiment, très sympa et très cool. Ils étaient tous hyper attentionnés, j'ai trouvé ceux qui bossaient là-bas. Donc je vous conseille d'y aller. Et donc, ce n'est pas une blague, hein. Il faut vraiment dire à l'interphone, si vous voulez jouer à ces jeux de société, je viens vendre un cerveau pour l'agent EP. Ok. Oh, tu ne nous as juste pas dit le nom du bar. Ah, c'est 12. D2OZ, 19 des magasins, premier étage. Et il faut savoir que ce n'est pas juste un bar de jeux de société, parce qu'à la base, 12, c'est surtout un escape game. Et le jeu de société, c'est leur niveau 0, en fait. Donc c'est une activité qu'ils ont développée en parallèle. Et le couloir qu'on passe, justement, c'est le couloir qu'empruntent les gens qui vont faire un escape game. Ok. Ouais, c'est vraiment très cool. Comme événement, je vous propose... Ah bah je l'ai pas marqué, mais c'est en février, c'est le 6 février, je crois. Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, qui... C'est le 16. Ok, le 16 février. Qui se passe au Zénith. Donc il y aura le maestro new-yorkais Thiago Tiberio et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Si vous voulez un siège catégorie 2, c'est 39 euros. Catégorie 1, 49 euros. Et carré or, 59 euros. Alors, c'est un peu cher, mais moi, pour avoir été justement à ce type de concert, c'était pour Matrix. Et j'ai vraiment passé un très, très, très bon moment. Donc, je vous conseille quand même d'aller voir Star Wars avec les musiques de l'orchestre. C'était vraiment... Enfin, mon avis, ça vaut le coup quand même. Okay. Voilà. Merci, Captain. Merci, Captain. De rien. Et du coup, on va passer à Onono à peu près. Oui. Où, pour le coup, j'ai ressorti mon plus vieil ami et le plus vieil ami de mes voisins et de mon chat. J'ai nommé... le casou. Alors, pour le cas, cette fois-ci, j'étais du coup inspirée par ma chronique, notamment sur les tubes de l'été. Donc, je vais vous interpréter des tubes de l'été au casou. Et vous allez essayer de me les reconnaître. Est-ce que du coup, tu peux nous faire un coup la lambada? Non, mais c'est absolument... Du coup, c'est quoi ta lambada? C'est... Non? Comment ça fait déjà? Oui. Donc là, tu viens de cumuler les deux choses les plus horribles que l'humain a inventées. La lampe de les tubes de l'été ah. Et le casou. Totalement. Ok, le septième cercle de l'enfer. C'est bon, je l'ai invoqué. Demain, il y aura des sauterelles. Ce sera l'apocalypse. C'est parti. C'est pas dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. Ah ouais. Bah oui. Comme ça, avec ton doigt, tu peux bloquer facilement. Ah. Tu vois. On découvre comment se servir d'un casou, en fait. Voilà. Tu pensais que c'était beau. Ah oui, non, ça marche. Comme quoi, je m'y connais pas. Hein. La preuve que nous ne sommes pas hyper intéressés par le casou. Ça, c'est clair. Sans nous t'écoutons du casou. Attends, je m'accorde. Le... Ouais, ça passe. Ok. Ok. C'est parti. <l'artiste. rire> Rien du tout. Alors, mais alors, en plus, moi, je connais pas les tubes de l'été, donc... Néant total. Ah non. Parce que je pourrais pas aller plus loin que ça, moi. Vas-y, c'est quoi? Bella Ciao. C'était Despacito. Ah bon? Ça reste. Ah, peut-être là, maintenant que je le sais, mais... Alors, je dois avouer un truc, c'est que... En fait, Despacito, j'ai jamais entendu. Ça veut? T'as échappé à ça, putain, la chance. Bah... J'écoute pas la radio, je regarde pas YouTube, je... enfin rarement. Non, ouais, j'ai échappé. Ah, bah, t'as la chance. Bon, bah, c'était Despacito. Ok, je continue. Que les auditeurs ont trouvé. Oui, Call me baby, call me maybe. Oui, oui, bravo. De qui? Alors là, Est-ce qu'elle a fait d'autres chansons, elle, du coup? Oui, elle a fait un truc, elle a fait Good Time avec All City. It's always a good time. Ah, le wow me rappelle à peu près 350 morceaux. Le millennial whoop. Et la chanson s'appelle Willy Like You, que j'aimais bien aussi avec Thomas, je crois, dans le clip, figure-toi. Je crois que c'est bien. I really like you. Donc là, oui, elle est pas sûre pour la pop. T'es déjà un peu plus dans les tubes de l'été où, à l'époque où j'avais encore une télévision. Donc je pouvais, voilà. Ah bah, Call Me Maybe, ouais. La pub était. Enfin, le clip était magique. C'est quand on était ado, hein. Ah bah, il finissait avec mes voisins, quoi. Bah, sinon... Arrête, t'es pas ado, t'es genre. On était jeune adulte. Nique ta mère. Hein. Voilà. Pardon. Bah, du coup, est-ce que tu en as un autre pour nous? J'en ai encore deux autres. Yeah. Oui, la grenouille horrible là. Si, c'est ça. Je passe au refrain. Ah, oh, ça me dit un truc. Ah, oh, c'est horrible. Bah, je sais pas vivre. C'était Chapin Ah. Mais j'avoue que le début, j'y ai cru. Ah, comment il s'appelait, sa grenouille? Teddy Frog? Non, si. C'est ça, Teddy Frog, ouais. Voilà. Mais le début faisait un peu ça, au cas où, j'avoue. Ouais, j'ai cru que c'était ça. Bon, bon, la dernière, alors. Vas-y. Alors, attends, je vais faire déjà le Nono se chauffe. Je passe au refrain. Ouais, c'est fou, tout se ressemble, quoi. Non ? Alors, ça me dit un truc, mais je saurais pas. Il est mort il y a pas longtemps. C'était un DJ. Oh bah, ah, comment ça m'a pas marqué, hein. C'était Avicii. C'était Wake Me Up, voilà. J'ai aucune idée de ce que c'est. Non, c'est pas Before You Go Go. Ah bah non. Ça s'arrête. Before You Go Go. On est désolé, voilà, de vous avoir ruiné cette chanson. C'est bon, j'ai fini. Bon, bah, je sais pas si on doit te remercier, Nono. Je suis pas sûre, parce que pour une fois, je m'en suis pas si mal sortie. C'est ça qui est un poil flippant, en fait. J'étais en train d'y penser, justement. C'est le seul Nono à peu près, ou c'est toi qui dis que les autres? Ouais, j'ai un peu honte. Très très fort dans ma tête au cas où. Je pense que je vais pas bien le vivre. Si on me retrouve pas dans l'épisode prochain, c'est que je l'ai très mal vécu. Ça se comprend. On en ferait pas moins. Voilà, donc je vous ai bien niqué les oreilles. Maintenant, nous allons passer aux recos. Et pour ça, on va essayer de faire des recos de Noël pour vous aider un petit peu dans vos cadeaux que vous achèterez le 23 décembre si vous êtes comme moi. Ou le 24 pour les plus téméraires, on va dire. Oui. Ça me fait penser que j'ai fait aucun cadeau encore. Hein. Pareil. Moi non plus. En fait, on vous fait des recos de choses qu'on va acheter, en fait. C'est ça. Qu'on aimerait recevoir. Voilà, c'est ça. Qui veut commencer? Allez, je me lance. Alors moi, j'ai fait toute une chronique sur le fait que Boo, c'était mal la pub, les recos, les influenceurs, tout ça. Et je vais vous faire des recos sur le jeu vidéo. Alors, la première reco, c'est pour le jeu Divinity 2 Original Sin, qui est sorti il y a petit moment maintenant, il y a quelques mois minimum, qui m'avait fait beaucoup de l'œil quand il était sorti, que j'ai pas acheté parce que, bah, comme tous les jeux qui me font de l'œil, dès qu'ils sortent, ils m'intéressent plus. Et il se trouve qu'un gentil copain nous a prêté son compte. Du coup, j'ai pu le tester, et on l'a testé ensemble avec Nolou. Et alors, c'est vraiment pour vous, si vous aimez le jeu de rôle. Genre, vous êtes fan de Donjons et Dragons, vous kiffez les jeux de rôle immenses dans lesquels vous perdez avec des millions de personnages, PNJ, etc. Ce jeu est fait pour vous. Là, on est vraiment au tout premier niveau, et c'est déjà tellement grand que je ne sais pas si on arrivera à en sortir un jour. On est en train de réaliser que pour sortir de ce premier niveau, donc on est sur une sorte de prison, on a au minimum 5 ou 6 solutions possibles qui ont l'air toutes ultra différentes. Ah oui. Dans la construction du personnage, tout ça, c'est hyper complexe. Bref, si vous aimez ça, c'est fait pour vous. Et surtout, ce qui est chouette, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs. Le jeu de rôle, c'est bien, mais seul, c'est relou. Et là, le fait de pouvoir jouer à deux, je pense même qu'on peut jouer à plus, je suis pas sûr. On peut jouer à plusieurs en coop, et ça, c'est, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, si vous voulez un bon jeu canapé, sur PS4, Xbox One et PC. Et ma deuxième reco... alors, c'est marrant parce que j'ai dit au début de cette émission à Evie, mais non, je les ai pas notés, mais recos, mais j'en ai pas besoin parce que je m'en rappelle. Et je lui ai dit, prends un stylo, note-le, on sait jamais. Et du coup, non. Et du coup, c'est bien on pour peut ça. Revenir à non, toi. C'est bien pour ça que j'ai pas encore fait mes cadeaux de Noël. J'ai vraiment pas d'idée cette année. Hein. On te laisse réfléchir peut-être. Si, mais bradez-le. Quoi? Non, il avait une autre idée. Ah, d'accord. Ah non, non, non, on peut pas dire ça. On coupera cette partie au montage. Parce que si jamais elle nous écoute, ça flingue le cadeau. Bon, c'est pour ça qu'il peut y venir. Du coup, Tristan revient à toi après si ton idée te revient. Ouais, pas sûr qu'elle me revienne. Ok, bon. Evie ? Alors moi, du coup, bah, vu que je parle de littérature, je vais vous conseiller un bouquin. Et je vais vous conseiller le livre de « Et tout le monde s'en fout ». Parce que clairement, je pense que ça fait du bien un peu de se questionner sur notre société. Alors personnellement, je suis très adepte de leurs vidéos. Alors je suis pas toujours totalement d'accord avec tout ce qu'ils disent et tout ça. Mais je trouve ça intéressant au moins de poser la question, en fait. De s'interroger, enfin, la dernière fois, ils ont fait la place de la femme, ils ont fait la guerre, ils ont fait le sable, ils ont fait l'utilisation de l'eau, ils ont fait le clitoris, ils ont fait plein de choses, et je trouve ça vraiment, bah, comme je dis, intéressant de se questionner sur des choses qui nous paraissent presque normales, en fait, à l'heure actuelle, et bah, dans le livre, ils vont plus loin, et ils abordent d'autres sujets, et du coup, je pense que bah, ça peut être intéressant, en tout cas, de se poser des questions et d'arrêter de tout prendre pour acquis dans notre société. Et le deuxième va être un petit peu plus personnel, dans le sens où je vous conseille d'offrir une expérience ou du temps avec une personne, voire même les deux. Je veux dire, si vous savez que qu'une personne adore tel ou tel groupe, bah pourquoi pas prendre des billets de concert et y aller avec. Parce que je trouve que cette période de l'année, pour moi, c'est vraiment se rapprocher de ses proches. Parce que je suis quelqu'un qui, quand il se passe pas grand chose dans ma vie ou qu'il n'y a rien de transcendant, je ne donne pas de nouvelles. Donc, heureusement que mes proches m'appellent, parce que sinon, au bout d'un moment, ils pourraient se demander si je suis toujours en vie. Mais c'est vrai que du coup, passer du temps avec eux, c'est un plaisir que je prends. Et du coup, c'est un peu des moments privilégiés. Et je me dis, si on peut en plus partager une expérience... Alors, il y a plein de choses diverses. Hein. Vous pouvez prendre des séjours à la montagne, à la mer, dans des chalets, dans des châteaux aussi. Vous pouvez offrir un tour en voiture de ses rêves, un soir en parachute ou un concert. Mais je pense que même coupler les deux, c'est-à-dire offrir une expérience et le faire avec cette personne, ça peut être encore mieux. Donc voilà, moi je vous conseille de passer du temps avec les gens que vous aimez. C'est la magie de Noël. C'est ça, j'ai dit qu'il fallait être heureux, merde. Ok, merci, Lolou. Moi j'ai une recommandation pour tous ceux qui ont une nièce ou une petite fille, qui ont, ou même des petits garçons d'ailleurs, mais plutôt des enfants qui ont moins de 10 ans. Donc il y a un jeu qui s'est créé là, qui s'appelle Wushi. Donc en fait, en gros, c'est le qui est-ce, mais avec que des personnages féminins. Donc si le maître ou la maîtresse qui s'occupe de cet enfant n'a pas fait son job correctement et du coup n'a pas présenté des femmes historiques, il se trouve que ce jeu le fait pour eux et il est vraiment bien fait. Il est tout en bois, il est pyrogravé à la main par cette personne, donc cette personne qui s'appelle Amelia Earhart. Et elle a donc lancé un peu ce concept où justement, donc en fait, quand tu choisis ton personnage historique féminin, tu as une espèce de petite carte récapitulative avec tout ce que ce personnage a fait, des petites anecdotes aussi marrantes dessus. Et donc tu l'as en même temps. Donc par exemple, si c'est pas à ton tour de jouer, tu peux t'amuser à lire la petite carte. Enfin, c'est vraiment sympa. Et puis c'est des dessins vraiment très jolis. Et si tu justement commandes chez elle, donc du coup comme c'est un projet novateur qui vient tout juste d'être créé, c'est une espèce de comment dire, tu sais, quand tu essayes de donner des sous à Kickstarter, quoi. Merci, voilà, c'est ça. Donc en ce moment c'est ça. Donc du coup, ce qui fait que tu es en train de lancer son truc. Et que si jamais tu donnes des sous, tu as le droit à certains goodies par rapport à, voilà, aux sous que tu donnes. Et donc, si tu as envie de, justement, d'encourager ce genre de création et de créatrice, du coup, et le féministe, enfin, bref, tu peux tout faire à la fois pour Noël. Et voilà, tu seras contente, toi, et je pense que tu feras plaisir à quelqu'un. Sinon, deuxième reco, toujours un peu dans la personnalisation, on a créé mon livre... créemonlivre.fr, je crois. Mais on peut le retrouver un peu partout. En fait, c'est... Tu peux choisir un roman ou de la science-fiction ou ce que tu veux. Et tu vas noter le nom de la personne dessus. Tu vas noter aussi quelques petites informations. Le nom de son père, le nom de sa mère, le nom du chat. Et puis, comment est le personnage, si il ou elle a les cheveux longs ou pas, de quelle couleur, tout ça. Et le livre va arriver jusqu'à chez toi avec même la photo de la personne, genre écrit par avec la photo. Et c'est hyper rigolo, mais moi j'ai offert ça justement à la sœur de Tristan qui travaille dans l'édition. Donc du coup, elle a son petit livre à elle qui parle de sa petite histoire. Enfin, après, bon, non, c'est pas vraiment son histoire à elle, mais c'est vrai que du coup, elle y retrouve des gens qu'elle elle connaît. Il y avait un moment aussi une personne qu'elle admire, donc voilà, et qui fait partie aussi de l'histoire. C'est pas mal. Et c'est assez rigolo, ouais, du coup, d'avoir ça. Alors, je suis pas revenue vers elle, d'ailleurs, pour ça. Je me demande si l'histoire était correcte ou pas, mais bon. Tu peux choisir plusieurs types d'histoires. T'es pas obligé de faire un roman classique, tu peux faire un roman policier, enfin voilà. Il y a plusieurs choix possibles. Et même un roman horrifique. Ça peut être vraiment une bonne idée, ouais, je trouve, cool, de cadeau, ouais, qui change complètement de ce dont on a l'habitude. Bah, l'une de nos auditrices, elle se reconnaîtra, on peut l'appeler Momo, son père a offert ça à sa mère, et justement, elle était trop, trop folle en se disant « Oh, attends, mais attends, il y a mon nom dedans, et puis « Oh, mais attends, ça c'est le nom de ma mère !» Elle était vraiment assez émerveillée par ça. Et j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais, j'aimerais voir ça. Par contre, à un moment donné, dans le truc, dans le questionnaire, ils m'ont demandé quel est le nom de la belle-mère, sauf qu'en fait, le papa est célibataire, donc du coup, on a marqué le nom du chat, qui s'appelle Cookie. Donc la belle-mère s'appelle Cookie. C'est pas mal, ça. C'est assez drôle. Ouais. Je pense que ça peut être un truc de van aussi. Tu sais, genre mettre que des plus bêtes jokes, ouais, avec une très très bonne amie ou un très très bon ami. Ah, faut bien connaître la personne, ouais, hein, par contre. Hein. Et des fois, j'ai demandé à Tristan... ça, est-ce que tu sais, oui, attends, ça doit être telle personne. Mais c'est vrai que ça peut être très drôle de mettre des private jokes dans un livre comme ça, pré-écrit. Mmh. Je pense que ça doit être assez drôle aussi. Ça a l'air fun. Ouais, sympa. Okay. Moi, pour ma part, j'ai deux recos. J'ai une première reco gaming, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu dans un igloo, parce que j'ai découvert, genre hier, je crois, l'existence de la PlayStation classique, ou la mini PlayStation, qui va sortir le 3 décembre, si je ne m'abuse. En effet, donc, tu as vécu dans un igloo. C'est comme les NES, c'est comme les mini NES. Oui, ouais, c'est le même principe. Ah bah j'ai vécu aussi dans un igloo. Ça sort le 3 décembre. Eh, hey, on devait être dans le même, moi aussi. On a fait une coloc d'igloo. Oh oui, et Tristan montait la garde. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il est en courant. Oui, il est tombé sur une petite PlayStation. Je vois une PlayStation à l'horizon. Elle est toute petite, faites pas gaffe. Elle est inoffensive. Non, encore mais en fait, un bébé. Effectivement, c'est quand même le principe béninette, je trouve ça assez chouette. Ça coûte 99€ pour avoir ta petite PlayStation avec déjà des jeux préchargés. Du coup, dedans, tu as la Final Fantasy VII, Tekken 3, Metal Gear Solid, Rayman, enfin tous les grands jeux de la PlayStation. Voilà, donc... Non, mais attends, fait pas trop cool, c'est l'attrape-pigeon par excellence. Ouais, c'est chouette, mais oui, justement pour les enfants, faire découvrir vraiment les jeux de LPS1, alors, je trouve ça chouette. Bah, c'est pas si cher, finalement. Mais... Tiens, elle veut ça pour Noël. Mais alors, on a une PlayStation 1, une vraie, pourquoi tu veux bah ça? Bah oui, mais du coup, tu vas pas te faire cher acheter 20 jeux. Mais d'occasion, ça te coûtera moins cher que ça. Je sais pas, cumulé, je suis pas sûr. Hein. Alors, ah non, Final Fantasy 7, maintenant, ça vaut de l'or. Hein. Ouais, grave. Hein. Alors, de toute façon, Final Fantasy 7, tu le retrouves genre à 3€ sur le store de la PS4 maintenant. Non, c'est plus cher que ça. 10 balles. Je suis pas hyper convaincu. Et puis, est-ce que tu vas vraiment la brancher, ta console? Bah oui, t'as un port HDMI. Mais il y a vraiment des geeks de ça. Moi, je sais que mon beau-frère, il a acheté, du coup, c'est la Super NES, c'est quoi l'autre? La Mini NES, possible. Et il y joue. Bah écoute, nous on a ici la PlayStation 1 avec une collection de jeux qui aurait fait rêver le petit Tristan que j'étais. Je peux te dire que je l'ai pas branché une seule fois cette console. Mais je pense que c'est vraiment en soirée genre rétro gaming. Tu vas pas y jouer tout seul dans ton canapé. C'est une soirée rétro gaming pour moi ce genre de console. Ouais, mais moi je trouve pas ça si cher finalement pour ce que c'est. Non, ça va. Je m'attendais à plus. Ouais. C'est vrai que pour une pièce de musée, c'est pas si tu vois. T'es mauvaise langue. Ça placé dans un musée. T'es mauvaise langue. Mais du coup, au moins, ça crée le débat. Ça crée le débat, donc voilà, vous de voir si vous avez envie d'offrir ça à Noël. Ma deuxième reco, c'était un jeu de société, plutôt pour. Un peu pour tout le monde, mais pour les enfants, je trouve ça intéressant. Ça s'appelle Feelings. Donc Feelings, donc sentiment en français. Et comme l'on a dit, ça va parler d'émotion et de sentiment. En fait, on va se mettre en équipe. Et autour de ça, en fait, on va débattre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes avec une situation. Donc c'est différents trucs, t'as une situation enfant, genre, voilà, mon meilleur ami m'a piqué mon jouet, mais aussi situation adulte, genre, mon fils est gay, j'en sais rien, un truc comme ça, ou des trucs un peu durs comme ça. Enfin, un peu dur. Plus... Putain, c'est dur. C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Je voulais dire des thématiques un peu plus d'adultes. Dirons ça comme ça. Parce qu'un enfant de 8 ans, avec mon fils est gay, t'es que tu en bats les couilles. Hein. Là, on est en dérapage contrôlé, là, tu vois. On a mis le frère à mer, on est en drift, tu vois. Ah bah, je sens que vous allez être calmé très très vite. Enfin, des questionnements sur qu'on est plus en étant adulte ou plus enfant. Donc, il y a différents paquets de cas. À 5 ans, mon fils est gay, tu te dis que j'ai pas de fils. Tu projettes pas là-dedans. Quoi? Et donc, j'ai un fils. Et donc, le principe, c'est que tu vas avoir des cartes représentant des sentiments. Donc, tu auras un sentiment positif, négatif ou neutre. Genre, je sais pas, moi, joie, dégoût, circonspection, j'en sais rien. J'ai cru que t'allais nous faire... faire ça. J'ai pensé dit, elle va dire peur, colère, déjà. Non, circonscription, ok. J'ai vraiment pensé. Je sais pas à quoi il ressemble celui-là, mais on l'a pas vu. Circonspection, c'est juste un mec qui a le menton comme ça qui est un peu chiant. Ça avec une barbe. C'est un peu comme l'emoji qui fait un petit V et qui réfléchit. Ouais, comme c'est ça. Qui se gratte un peu le menton. Bah, ça, ouais, ce sera un peu ça vice versa. Le mec fout rien qui juste à se gratter le menton. C'est ça, il regarde même les principe. Gens très. J'aime bien, c'est un spectacle. Et donc, avec cette petite carte comme ça, en fait, tu vas devoir. Déjà, toi, essayer comment tu réagirais, mais aussi essayer de deviner comment l'autre équipe réagirait à ce truc-là. Mmh. Et du coup, voilà, après, tu gagnes des points, c'est aussi à deviner ce que l'autre aurait pensé, etc. Et c'est du coup super intéressant, parce que ça permet aussi de débattre sur comment tu ressens par situation, comment tu perçois l'autre, comment l'autre te perçoit. Voilà, moi, j'ai déjà joué avec des potes, que je connaissais pas non plus extrêmement bien. Mais tu l'as ? Je l'ai pas. J'ai joué lors du festival des Brésales et des Jeux. Mmh. Mais ils vont pas cher, ils coûtent 25 balles en moyenne, 23€ chez Philibert. Oh ouais, pas cher. Donc c'est vraiment pas cher, je trouve ça super intéressant, entre potes, pour trouver être mieux, ou avec des enfants, du coup, pour voilà, parler de sentiments, d'émotions, de débattre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ouais. Tristan, est-ce que ton truc t'a voulu au fur et à mesure vous parler, j'ai une idée de... Ok. J'ai une proposition. Donc je reste dans le jeu vidéo, avec le jeu Octopath Traveler, qui est uniquement sur Switch. Donc si vous avez la chance d'avoir une Switch, qui est sans doute la meilleure console actuelle, jetez-vous dessus, c'est un jeu à l'ancienne, façon vieux Final Fantasy, fait par des anciens de Square Enix, donc de la boîte qui faisait les merveilleux FF7, 8, 9, 10... Et après, il n'y a plus jamais rien eu. et on est vraiment dans cet esprit-là, en fait. Mm. On est vraiment dans cet esprit un petit peu... Alors, ça tape à fond sur la fibre nostalgique, mais ça marche assez bien. On a une musique qui est vraiment une bande-son qui est fabuleuse. Moi, je l'écoute sans avoir vraiment joué au jeu. J'ai pu un tout petit peu tester le jeu, donc je suis un peu mal placé pour en parler, mais de ce que j'ai pu tester, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, vraiment dans l'esprit des vieux RPG auxquels je jouais gamin et qui m'ont enchanté, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que ça passe bien sur une console à la fois de salon et portable comme la Switch, je me vois bien jouer à ça dans les transports en commun par exemple. Donc voilà, si vous allez fêter Noël loin de là où vous habitez actuellement et que vous avez un retour long et fastidieux à faire, faites-vous offrir ce jeu-là pour le retour. Alors moi je l'ai, et je confirme qu'il est très bon. Effectivement, j'ai pas encore eu le temps de vraiment me plonger dedans, parce que c'est un jeu qui est extrêmement long par contre, vu qu'on suit à dessiner de 8 personnages, et comme au centre de jeu tu as fini le chapitre 2 d'un personnage à la limite... C'est très long, bah, mais coup, c'est très très beau. Tu vas pouvoir me le prêter pour les 10 heures de train que j'ai à faire. Bah tiens. Perds pas le nord, lui. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais il est quand même meilleur sur télé que sur petit écran. Bien sûr. Sur une grande télé, ça rend vraiment honneur. Parce qu'à la fois c'est old school, mais à la fois les paysages sont très très beaux, tu sais. C'est pas dégueu comme le FF7 à l'époque, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment de old school beau. Ouais, c'est et, vrai que le pixel art est vraiment bien géré. Ouais. Exactement. Il y a de très très beaux paysages aussi en fond, enfin voilà. Non, j'aime beaucoup le jeu, définitivement, je me joins à toi, Tristan. Voilà. Et bien, merci pour vos recos à tous. J'espère que vous allez voir de chouettes cadeaux à Noël pour tout le monde. Vous allez aussi offrir de chouettes cadeaux. Et maintenant, on va retrouver Evie pour la rubrique linguistique sur le bout de la langue. C'est ça. J'avoue que je ne sais pas pourquoi je suis en dernier passe à chaque fois que je vous fais un truc hyper sérieux alors qu'on est dans un moment plus du tout sérieux. Donc, je pense que vous me détestez à chaque fois et on va pas déroger à la règle. On va reparler d'un truc sérieux. Donc dans ma chronique, je vous parlais du prix Goncourt, mais du coup, est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Je suis sûre que non. On va faire un petit point Wikipédia. Le prix Goncourt est un prix littéraire français créé par le testament d'Edmond de Goncourt en 1892. La société littéraire des Goncourt est officiellement fondée en 1902, et le premier prix Goncourt est proclamé le 21 décembre 1903. Le prix annuel est décerné au début du mois de novembre par l'Académie Goncourt après 3 présélections successives en septembre et en octobre, parmi les romans publiés au cours de l'année. Il est le prix littéraire français le plus ancien et le plus prestigieux. Ça, c'est ce que je vous le disais, c'est lui qui fait le plus de ventes. Est-ce que vous savez le premier ouvrage récompensé, donc en 1903 ? Alors, je pense que je l'ai su, parce que je pense que ça devait être dans un de mes cours en DUT. Mais honnêtement, je pense aussi que je dormais. Donc que ton esprit l'a su, mais pas toi, du coup. Voilà, donc non, vas-y. Donc, il s'appelle Force et demi, et il est de John Antoine No, et qui est franco-américain. Ok. Ah bah, bien pour un concours français. Oui, mais ils ont commencé par franco. Tu vois, il n'est pas américano-français, tu vois, il est franco-américain. Okay. À mon avis, c'est ça qui a joué. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais bon, on va voir si vous allez le remettre dans l'histoire. Est-ce que vous savez qui a été le lauréat en 2013 ? Bah, du coup, c'est Pierre Lemaitre. Le maître. Le maître, pardon, Le maître. C'est ça, avec Au revoir là-haut. Ouais. Celui, personnellement, dont j'ai le plus entendu parler était celui de 2016. Est-ce que vous savez ce que c'était ? Modiano ? Non, Modiano, c'est pas Prix Nobel littérature, je confonds. On n'est pas sûr. On n'est pas un Nobel. Oui, non, je sais, 2016, mais j'ai confondu, ça, je veux dire. C'est pas... Chanson douce ? C'est ça, Chanson douce de Leïla Slimani. Ah oui. Et savez-vous du coup qui l'a eu cette année ? C'est il y a très très peu de temps, début novembre. Non. Ah oui, il y avait un favori là. C'est un mec de toute façon. C'est un même homme. Voilà. Et 2016, c'était une femme. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dans le classement. Il fallait au moins que je vous en montre une. Cette année, moi je sais pas. Non, je crois que j'ai pas suivi. J'avoue que j'en avais pas entendu parler. Et le roman s'appelle Leur enfant après eux et c'est de Nicolas Mathieu. Ça a l'air super. Leur enfant après eux. J'en ai pas du tout entendu parler, je vous avoue que je l'ai découvert en cherchant cette liste. Donc je ne sais pas trop les, de quoi c'est. Les titres des prix Goncourt ont la capacité de me donner envie de dormir juste en écoutant. Mais je crois que ça vient d'un truc limite biblique ou quoi, parce que je sais que cette phrase je la connais en fait. Ah ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça avec les enfants après eux et je ne sais plus d'où ça vient. Ah, c'est possible. Je m'en souviens parce que ça m'a perturbé justement de voir l'affiche il n'y a pas longtemps du bouquin, enfin de voir un truc sur le bouquin. Mm-hmm. J'aimerais bien chercher parce que je sais pas, ça m'énerve. Ouais, tu le sauras après. Et du coup, quel est le Goncourt dont vous avez entendu le plus parler ? Donc, moi je vous le disais, donc c'est Chanson douce de Leïla Slimani. Je l'ai pas encore lu, je vous avoue qu'à chaque fois que je passe devant dans les rayons, j'hésite à le prendre. Mais c'est vrai que je connais un petit peu, en tout cas, le tout début de l'histoire qui va être le déclenchement. Mais c'est celui dont j'entends le plus parler. Et j'ai découvert que Au revoir là-haut avait été aussi lauréat. Je l'avais pas entendu. Alors, j'ai vu le film, mais j'avais pas entendu qu'il avait eu un Goncourt par contre. Ah bah si, ouais, moi j'en avais entendu parler avant qu'ils soient en film. Ouais. Non, moi celui dont j'ai le plus entendu parler, c'est La carte et le territoire. Ah oui, de Houellebecq. Ouais, de Houellebecq. Mmh. Oui, je crois que c'est ça, oui, il me semble. Oui, effectivement. Bah, déjà, je crois que j'étais encore en train de faire mes études. Puis il y avait le plagiat aussi. Ah non, j'étais... Non, je travaillais déjà. Je sais pas. Ouais, je sais pas, mais je sais qu'il y avait eu pas mal de tapage médiatique autour, ouais, je crois, et du coup, ouais, j'en avais entendu parler là-dessus. Et pas mal aussi du prix Goncourt lycéen de l'année dernière, qui était Petit Pays, parce que j'aimais beaucoup Gaël Faye, donc du coup, j'avais suivi l'affaire. Oui. Non, mais moi, c'était Au revoir là-haut, principalement. Revoir effectivement, là-haut. Houellebecq, maintenant que tu le dis, ouais. Non, moi j'ai pas su. Ouais, les concours, c'est bien. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut quand même s'intéresser un petit peu plus. Enfin, moi je sais que si je cherche pas l'information, j'en entends pas beaucoup parler. Alors, un petit peu forcément par les influenceurs, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un retardement. Parce que moi, par exemple, Chanson 12, j'en ai vraiment entendu parler mille années dernière, donc quasiment un an après. Après, on n'est pas non plus des gros consommateurs de littérature blanche autour de cette table, et je pense que ça joue. En fait. Chanson 12, ça a quand même un effet un peu thriller. Oui, mais ça... Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'entend plus parler, parce que ça change un peu des codes, peut-être. Ouais, peut-être. C'est possible, ouais. Très bien. Voilà. Bah, merci, Evie, pour cette rubrique linguistique. Retour au sérieux. Bah, comme ça, on conclut dans le cadre. C'est ça. Voilà. Et ça va continuer dans le cam, d'ailleurs. En tout cas, merci à vous trois pour ce très beau numéro, avec les chroniques toujours de qualité. Et juste un petit mot, parce que contrairement à d'habitude, on n'aura pas de petit bonus post-générique cette fois-ci. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare une belle petite surprise qui devrait normalement sortir en début janvier. Donc voilà, restez, tenez-vous au courant. Christelle, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles. Les pouces bleus, c'est sur YouTube. Oui, je sais, ça va. On sent les gens qui connaissent trop, c'est genre, mets des pouces. Oh, ça va. C'était fait exprès. Oh. Mettez des étoiles. Voilà, des étoiles, c'est bien. Voilà, et on va se quitter tout en douceur avec le groupe dont je parlais précédemment le mois dernier, Boy Genius, donc composé de John Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus. Qu'on sorti un EP magnifique. Et je vous propose d'écouter le morceau Ketchum ID. Ketchum ID, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville en Idaho. Et apparemment, les trois musiciennes partagent ce truc de si on en a marre, on se casse en Idaho et on y vit peinard. Donc ce morceau parle un peu ça. Finalement, il parle de la difficulté de la vie en tournée, de toutes les choses qui vont avec. Et en fait, il enregistrait vraiment à trois harmonies sur un seul micro. Ça donne vraiment ce côté folk à l'ancienne. Donc voilà, pour une longue soirée d'hiver, je propose de vous laisser un petit peu percer par la voix de Pod Genius avec Ketchum ID. Et au mois prochain. Merci pour votre écoute. Ciao. Au revoir à tous. When I'm home, I'm never say how are you? I say I don't know. Let's dissolve the band, move to I.